en direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 9 de la saison 2014-2015 de la soirée du podcast. Alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, JF Cromp, le numéro 24, Mart Vero, le numéro 88, Alex Cromp et le numéro 31, JF Mallette. Oh yeah! Yes! Yeah. Ça va bien les gars? Ouais, ça va, ça va. Alors ce soir, on est en désavantage numérique. Et c'est quoi ça, problème technique? Bon, je sais pas, là. Dave qui est pas là puis qui est déjà nous texte pour nous dire qu'on a des problèmes techniques. C'est pas correct ça, Dave, là. OK, mais c'est quoi? Je sais pas. On va le régler tout ça. Non, c'est aucune précision. C'est parce qu'il manque de oomph. J'ai redémarré le stream, fait que ça se peut qu'il y ait eu un problème technique pendant le redémarrage du stream. Laissez-moi regarder. Tout est beau! OK. OK, fait que là, il n'y a pas de fuck, là. Il n'y a pas de fuck, mais on sait jamais. Ici, on est comme dans le triangle noir de Longueuil où est-ce qu'il n'y a jamais d'eau potable, là. Hostie. Ouais, puis les passerelles tombent des autoroutes. Ouais, les passerelles tombent, on perd l'électricité, on perd l'eau ici. Bienvenue en 1832. Bref, c'est Longueuil. Oui, et justement, c'est Longueuil, fait qu'on va aller faire l'avant-match. On espère qu'il n'y a pas de fuck technique pour ceux qui nous écoutent en direct, c'est-à-dire Dave. Salut Dave! Bon, alors, avant match, on a plusieurs petits points avant de commencer le podcast. JF a reçu sa carte de membre du club 1909 du Canadien. J'aimerais que tu nous en parles brièvement. Là. Ben oui, mais... Combien ça a coûté, là, ça? Ça a coûté 30$ pour que je puisse avoir ma petite carte. Et puis, ça a l'air que mon nom serait inscrit sur la patinoire. Avec Steve Bégé? Ouais. Qui est comme d'un épais à quatre pattes. Là, parce qu'il est mauvais acteur. Là. Tabarnak, c'est pas bon pour lui. L'affaire, c'est qu'on dirait que la carte, là, on dirait que c'est un marqueur rouge qu'on peinturé dans le milieu pour la place du chandail, pour les gens qui veulent voir comme faut. Puis mon nom, tu sais, Jean-François, ça prend une CCD aux dernières nouvelles. Là, pis, ils ont ben, je te confirme que oui, là, moi aussi. C'est ça, puis ils ont mis un point d'interrogation. Tu le mets-tu, toi, le CCD, quand tu Jean-François, mallette. Va te voir, ouais, check ça, c'est de la crise de merde. Bon, déjà le call fingers. Ben oui, que c'est ça, tabarnak, si vous nous encouragez de vous inscrire, puis tout ça, pour avoir des points, puis ça vaut, je pense, 5 000$ pour avoir un jackstrap qui sent marre. Si je serais vous autres, là... Je donnerais des billets à toutes nous autres sans frais. Parce que là, je vois vraiment, là, c'est sa clientèle, là, je vais commenter raison, ça. T'as raison, Malette, man. T'as raison, Chris, de t'insurger de même, ben oui, hey, après le show, je vais prendre une photo de ma carte puis je vais le tweeter. Je pensais t'as dit, je vais prendre une photo de ma graine. Je vais dire... non, mais je vais dire, je vais être en tabarnak puis on va voir ce qu'ils vont me dire. On va voir ce qu'ils vont me dire. Je vais tweeter ça. Je vais dire, là, je suis pas content. Mon fils est traumatisé. Mon fils, j'en prends quoi? Non, mais on est au Québec, là. C'est-tu compliqué de programmer des CCD Calis? Ah, ben là, gars. Je vous corde les programmeurs du CH. Ah ouais, Chris, un CCD, là. C'est pas compliqué, là. Tu le signes-tu, toi, ton CD, quand t'écris ton C, par exemple? Ouais. Ah ouais. Quand, ça? Ben non, Chris. Toi, tu l'écris aussi, tu le fais, ton petit. Je mets juste mes initiales quand je signe. Moi, je mets un X. Trop long. Pas compliqué, je sais pas écrire. Que... Jacques de Mers. Bon, OK. un autre petit point, là. Moi et mon frère Alexandre, on est allé au Centre Bell voir les Panthers. Pas les Panthers, les Flyers, les excuse-moi. Flyers. Deuxième fois cette année que je vois les Flyers. On les a rebattus une deuxième fois. C'était un esti game de marde. C'était une game vraiment pas bonne. Là. Il s'est pas passé grand-chose. Les Flyers ont scoré comme à 50 secondes du début. Ils ont tiré 68 fois. Là, c'est une puis net, Montréal ont scoré à la fin, mais ça ouais, ouais. À la fin de la game. Puis dernier, t'as un gros but de Plekanec. Non, mais ça sent le snap de tantôt qui s'en vient. Là. Non, mais on parle de. C'est les faits. Non, mais ça, comme. Il est scoré. C'est correct. Comme à chaque fois qu'on va au Peel Pop, ben, il se passe des affaires. Là, il ne s'est rien passé d'américain sale. Bon, les pichettes à 8$, ça descendait très bien. J'aimerais par contre faire un shout-out au gars qui était assis devant nous au Centre Bell. Le gars qui recevait des sextos de sa blonde tout nu, puis qui check ça comme devant tout le monde, puis là, il fixe son sel, puis il y a une photo de sa blonde tout nu, puis il regarde ça devant tout le monde dans le gradin, puis il est bien à l'aise, le gars, puis « Ah, j'ai goût de te fourrer », puis... Fait qu'on se rinçait l'œil. Ouais, c'est ça, là. Je dis, hey, regardons ça en avant. C'est-tu moi, le gars, il check des photos de filles tout nues. Puis finalement, c'est des messages textes de sa blonde. Fait que. Tabarnage, ok. Les gens en public, bravo. Moi, je m'en souvenais plus, j'étais tellement chaud. C'est toi qui vas le rappeler tantôt. C'est toi qui vas tomber le pont à Longueuil, hein, c'est ça? Peut-être. Ah, c'est. T'étais tellement chaud, ça s'en souvient plus, mais il y avait une main d'un barbette. Aïe, yes. Bon, on a aussi des fans de la soirée du podcast sur Twitter, JS Chaplot et Matt Labonté, qui veut qu'on call out Renaud Lavoie pour ses tweets de merde en anglais. Ben, JF, vas-y. JF sort le doigt. Chris, call out, man. Unleash. Renaud, ta gueule en anglais, ça veut dire fuck. En tout cas, bref. Honnêtement. JF est trilingue, je vous rappelle. Ouais, honnêtement, Renaud Lavoie, son petit problème, c'est qu'il n'y a aucun suiveur qui parle anglais, puis il tweet en anglais. Non, mais I've got 1000K followers, you know. Ben oui, mais ça veut absolument rien dire. Puis l'affaire aussi. C'est pas piqué, Renaud, c'est quand pas tu tweets des noms de joueurs qui sont au balatage, on s'en calisse! Non, mais vraiment, ça t'intéresse-tu de savoir que Troy Brower est au balatage? Ben, Troy Brower, moi, j'ai toujours... Non, encore lire ça, c'est-tu. Ça t'intéresse-tu que Sergei Vlachov-Vlaski, il a signé pour 550 000 avec le club école des Stars de Dallas? Non, non, gars, comme qu'on dirait, on s'en calisse. Nouveau hashtag, d'ailleurs, que je vous invite à utiliser pour la soirée du podcast, hashtag on s'en calisse. Vous remarquerez les nouvelles qui ont ce hashtag-là sur notre Facebook. Ces gars-là, ils font un job, là, par exemple, puis ils remplissent le job. Là, fait que, tu parles de Renault, toi? Ben, oui, je parle de Renault, moi. Hey, Renault, est-ce que tu dis qu'il fait 80 000 par année? Bon. Bon. sur ce dropage de salaire. D'après moi, il est payé au tweet. Bon, s'il est payé au tweet, on serait riche en tabarnak. Parce que Dave nous fait des reports sur le stream, puis il dit « J'entends encore la tune en arrière. » Fait que je l'ai enlevé, alors voilà. Ça fait 10 minutes qu'on a commencé. Ça va pas bien, là. Fiasco total, c'est ça qui arrive. Là. Bon, dernier point avant de commencer le podcast officiellement. Un excellent extrait sonore qu'on écoute maintenant. Fait que j'ai dit à mon agent hier, un, je vais aller dans une place parce que le hockey, c'est une priorité. Puis deux, où est-ce qu'il fait chaud? Fait ben, il m'a envoyé cette, là. Alors, c'était la pub de Desharnais pour la cage au sport. Ouais. Qui fait quand même une meilleure job d'acteur que Steve Bégin sur la glace. Non, mais le pire pour Desharnais, là, c'est sa pub à radio là, qu'il a faite. Ah, oh, le hein? Hockey Magazine. Mon nom dans la glace. Hein? C'est bien cool, ça. Ah oh, non, mais la pire pub à radio, c'est Pross, là. C'est a j'aime de... la poutine. OK, ouais, mais celle-là de Hockey, le magazine, c'était vraiment mauvais aussi. Là. Quand là, il était à Stick, c'était Porsche, là. Je me souviens même plus c'est quoi là, c'est voir des stats. Ah, c'est bien hot ça. Okay, la magazine. C'est écran français, c'est bien hot ça. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est. Il n'y a aucune émotion là. Mais non, mais c'est Régent Tremblay qui écrit les textes. Ah. Bon. Ben ouais, il dit que ce gars-là, il est plus pareil depuis que Fabien Larouche a arrêté de le mettre dans le cul. Hey, pour vrai, non, parce que si Régent Tremblay qui aurait écrit les textes là, Desharnais, il aurait déjà fait deux crises de cœur. Oh boy. JF, pendant qu'on commence, je vais juste t'inviter à faire un switch entre ton iPad et ton micro, comme ça, tu as le temps de parler dedans. Alors voilà. Bon, mais c'est le fun pour le monde qui nous écoute, c'est des beaux problèmes techniques, là, voilà, comme ça. On leur fait le setup, et sur ça, on va dropper la puck et commencer la première période. Et voilà! Salut les cons! Alors, comme à l'accoutumée, commençons avec nos plus et nos moins des dernières games. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 games entre les deux podcasts. Alors... quelqu'un veut commencer avec son plus? Ça va moins stats. Ah, ben voilà que... c'est pour ça qu'il tripe sur Plekanec, tripe trop ses stats. Tu veux commencer, mon meurtre? Ouais, moi, je vais commencer. Ton plus? Moi, je peux commencer un peu pendant que vous cherchez. Je vais y aller. Prêt pour vrai. On avait discuté cette semaine, en se parlant les gars ensemble, là, tout ça, là. Mon plus, moi, c'est... j'en ai parlé, je sais que ça aurait été le plus de Dave à soir aussi. C'est Nathan Beaulieu. Ouais. Puis, vu que c'est le plus à Dave aussi, je me suis choisi comme un autre sous-plus, si on veut, qui est comme De La Rosa. Hey, De La Rosa. Ouais. Jacob De La Rosa. Ouais. Je sais pas ce que c'est pas. La prononciation, là, chiteuse. Je vais faire mon Pierre Wood. C'est quoi déjà? Jacob De La Rosa. Ça va super bien en ce moment, les bugs techniques, là, je suis juste rendu mono. Parlez pendant que je vais régler ça. Bon, OK, fait que c'est ça. Fait que... Jacob Delarose, qui est vraiment cool comme joueur. Il arrive à 19 ans, puis il est capable de jouer, puis c'est le fun en esti de voir ça. Le gap est pas tellement loin qu'il est capable de performer dans la Ligue nationale sans se faire redropper, remonter, tout ça. Peut-être qu'il va avoir un down à un moment donné. Mais je suis d'accord, Delarose, il y a une belle vitesse. Ça va bien, là. Ça va bien. Une belle vitesse. Il va dans les coins. La shape. 19 ans, man. Il joue dans les deux sens de la patinoire. Il va jouer en avantage, en désavantage qu'en avantage. Young est mis au jeu. Il est très complet. Quand même fort dans les mises au jeu, je trouve, là, pour quelqu'un qui arrive dans le même et qui se pogne contre des fois des gros trios et tout ça. Il fait tout ce que Heller devrait faire. Ben, il a pris sa place. Alors, merci, Mark. C'est un excellent plus que tu viens de nous faire, là, malgré les difficultés techniques. Là, Ouais, fait que gabarit, mise au jeu, toute la kit. Des mots d'hockey. Un vrai joueur. Un format qu'on aime. Un gars qu'on a repêché, en plus, je sais plus quand. En deuxième ronde. Ouais, mais c'est un choix qu'on a eu, ça, dans une échange, en plus. Hein, parce que ça, c'est venu prendre le choix de Nashville, je pense. C'est ça. On a donné André Costitsyn. Hey, c'est pas pour Algill. Non. OK, c'est pour Costin d'abord. Okay, non, j'ai des stats de tout ça. OK. Fait que Chris a bien donné, on a bien repêché, puis ça a bien été avec ça. Merci, Pierre. Cool. Alors voilà. Next, qui veut faire son plus? Bon, ben moi, j'aurais pu dire Delarose pour vrai, parce que c'est un excellent choix. J'aurais pu dire Pacioretty pour son lancer foudroyant, mais ça aurait été trop facile. OK. Je m'en doute en esti. C'est ça. Moi, je vais y aller avec mon coup de cœur. Nonobstant de la partie d'hier. Tabarnak, vas-y, là, dis-le. Sauf la game d'hier. Mais mon plus va aller pour Pacioretty. Ah, c'est pas vrai, il va aller pour Plekanec. C'est ça l'ostinage, là. Non, il va aller pour Plekanec parce que Plekanec, c'est un métronome. Il va te mettre des points. C'est comme un métronome. Clac, clac. Il va rentrer les points. Il est rendu à 40 points cette saison. Il est comme Voinov, il te rentre les points, lui. C'est assez solide. Plekanec est bon dans les mises en jeu. Il est bon en attaque, il est bon en défense, il est bon dans les deux sens de la glace, il est bon en avantage numérique, il est bon en désavantage numérique. Il est tout le temps bon. C'est une bonne assiette que tu as dans ton équipe. Très belle assiette. Puis, on dirait qu'il n'y a plus d'air qui passe sa tête à cause du col. T'es trop photo avec ton col roulé en ce moment, Alexandre? Écoute, non, ça va bien. Je commence à aimer ça. J'ai la gorge bien au chaud. Fait que, puis là, il est à plus 7. 40 points. Tout est très bien. Il y a le vent dans les voiles. Peut-être hier, il y a eu une game de marde, mais tu sais, quand tu joues avec deux crises de poireaux, c'est sûr que tu fais pas grand-chose. Bon, puis là, on va mettre ça genre sur la faute aussi un peu. Peut-être que c'était deux matchs en deux soirs. C'était quatre games en trois. C'était trois games ouais, en quatre soirs. Non, c'est vrai que le calendrier est assez serré. Mais c'est ça, tu vas remarquer, si c'est niaiseux, là, quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, ils perdent. Tu dis, ah, mais là, quand ils sont longtemps sans jouer, là, ils sont frettes, ils sont... Puis là, si quand il y a trop de matchs, ben là, ils jouent beaucoup. Ah, calice. C'est dur d'être un athlète professionnel. Mais bon, écoute, mon plus est appelé Canek. Écoute, t'as bien vendu ta salade. Continue de même, mon chum. Si on peut gagner 20 Ouais, il est rendu à combien de points en ce moment? Là? 40 points. 40, oh, il était à 10 points du c'est 40 points ou 40, 50 buts qu'on avait dit? C'était 50 points. Il arrive à 50 points chez Bernard. Okay, ça m'aurait surpris. Sa meilleure saison, là, c'est ceux qui veulent le savoir. Là, là, là, là, là, là, là, là, là, là. Ça doit être genre, c'est 67 points sa meilleure saison. Moi, je veux savoir. Ça doit être genre 67 points sa meilleure saison. C'est 70 points en 2009-2010. 25 buts, 45 passes. Sa meilleure saison de buts, là, ça a été en 2007-2008, 29 buts. Là, il est rendu à 17 buts, 23 passes. Ah, mais c'est un gars de 50-55 points. C'était un métronome. C'était un métronome. Dans les 5 dernières saisons, là, ça a été 43 points, 52, 57, ben, 70. C'est son average. Là. C'est juste de valeur qu'il n'aime pas Enegg. Ouais, mais Dave non plus, puis il est dans l'équipe quand même. On lui cite un petit mille. Peut-être que Souben aime ça se faire slasher dans les noix là, direct. Là. Ben justement, pour juste une petite parenthèse par rapport à Plekanec, je sais pas si nos auditeurs sont au courant, mais ça a l'air, selon 25stanley.com, ou je devrais dire Jean-Thérèse Utah, que... Jean-Thérèse. Plekanec puis Sekache, ça a l'air que c'est pas l'amour. Pourquoi ces deux-là? J'en ai aucune idée. Ils viennent de la même ville. Moi, je comprends pas. Les deux viennent de Kladno. Ouais, oui, ils ont peut-être fourré la même fille. C'est peut-être ouais. Ça. Ben, c'est les ça, deux ça, viennent de Tchèque. Exactement comme Romo Gauthier. Ah, non. Non, peut-être que les deux, genre, ils fourrent la sœur de l'autre, là. Tu sais. Mais moi, les deux, c'était la femme à Voinov. La photo de Plekanec avec les cheveux, c'est peut-être sa sœur à Plekanec. Qui ressemble à ça. Non, mais dans le fond, c'est juste pour 25salé.com. À quoi ça de partir des rumeurs sans donner de détails? Tu sais, vous n'êtes pas dans la chambre, fermez vos gueules. Non, mais vraiment, non, sérieux. Ah, 25 Stanley, là, j'espère qu'il nous écoute. Des fois, là, c'est ça. Ah, lui, si je le vois, c'est sûr, c'est un gars, il casse la gueule. il fait même pas peur. Jeff, il a rendu qu'il fait des menaces dans les airs, comme si je le casse, il casse la gueule. C'est comme, il va se ramasser avec une plainte au criminel. Mais non, mais c'est pas parce que incitation à la violence, là. Mais c'est surtout filmé, là, puis c'est comme... Ah, mais il y a le doigt, il y a le doigt. Il y a des preuves. Pis c'est pas parce que tu fais des émissions de radio avec Monsieur Jean-Cul que tu vas être très populaire, tu sais. Jean-Cul, c'est JC, là. JC la joie. JC la joie. Faisons que ton plus, Jeff, l'as-tu donné ou je peux. Non, j'ai pas donné encore, okay, mais je vais y aller avec. Tu peux pas faire des menaces de mort. Ouais, c'est ça. Je vais y aller avec Jacob. Jacob Voracek? Non, De La Rosa. Oh! Pour ceux qui se demandent, c'est qui, c'est. De La Rose. Hashtag DLR. Je suis vraiment impressionné avec le jeune, vraiment, parce que premier game, je dois t'avouer que je me comme, bah, pourquoi qu'il est là tout de suite, tu sais, c'est un joueur de centre, puis ils l'ont mis à l'aile avec LR, puis ça n'a pas été long que ça a été switché, que lui jouait au centre, puis LR jouait à l'aile, fait que c'est vraiment bravo pour le kid. Le point que je voulais mentionner aussi, c'est que s'il joue samedi, ça va faire 10 games, puis la loi stipule que si le joueur joue 10 games dans la Ligue nationale, ça compte pour une première année de contrat. Ouais, là, c'est genre 850 000 dans l'affaire de même. Ben, c'est parce que dans le fond, ça veut dire que dans deux ans, s'il est très bon, il faut qu'on renégocie son contrat puis il va coûter plus cher. Ben, c'est pas grave. Mais je suis surpris de la part de Bergevin puis de Terrien de l'avoir appelé là pour le faire jouer là. Puis ça paraît bien, par contre. Mais je suis comme surpris de la décision parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce type de choses-là à Montréal. Ah oui, mais quand t'as Heller qui joue comme la marde, puis c'est catch qui joue pas bien ben mieux, ben t'as parce pas que le choix. Non, mais il l'a monté sur quatrième trio à la base. Il a enlevé Malhotra, là. Ouais, mais ouais, Malhotra a starté sur quatrième. Pony qui... Ouais, mais c'est justement. Il s'est dit, lui, Chris, tant qu'à avoir Malhotra, qui de toute façon, il décaliste, lui-là, à la fin de l'année, là. T'sais, aussi bien de faire monter le kid. Il a acheté un char à mallette, puis il joue solide en bas, là. Il a acheté un char à mallette, puis après ça, il s'en va. Là. Non, il m'a pas acheté de char, il l'a acheté aux States. J'ai donné une bouteille d'eau, le Chris. C'est mal autre, si tu fallait que t'achètes ici. On a un gars ici qui vend des chars, puis il est bon en Chris. Ouais, ouais. Mais non, mais vraiment, je suis surpris de la rose, parce que t'as jamais vu ça à Montréal dans le passé, où les jeunes, on n'a pas eu peur de leur donner la place. C'est vrai que ça a fait changement, là. Ben, malgré ce qu'on dit au début de la saison, qu'ils parlaient d'un virage jeunesse puis qu'ils faisaient juste jouer des vieux Chris de 40 ans. Là. Mais là, c'était pas de la bullshit. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais ben ça, c'était plus réel dans l'ancienne, tu sais, avec Gainé et tout ça, là, par exemple. Tu sais, là, cette réalité-là, là, de ne pas faire jouer les kids, là, puis tout ça, là, puis de dire, ah, non, puis là, monte-les pas, puis il y avait la peur. C'est dans le plan quinquennal. Ça, c'était plus réel, je trouve, dans l'époque là, de Boivin, puis tout ça, Gainé. C'est ce mange une gosse. Mais de la rose, là, dans le fond, le verriez-vous comme troisième centre pour les playoffs? Ben, de la rose? Si, continue, ça dépend. Tu sais, faut que tu le vois. Moi, je pense, Chris, 15-20 games là, avant de te faire une bonne idée. Là. Puis, avez-vous entendu parler de qui que Terrien l'a comparé? Ouais. Caroline, il a dit que dans le fond, il fait penser à Jordan Staal. Ouais. C'est sûr qu'il faut faire attention. Jordan Staal a compté 29 buts à sa première année recrue, mais c'est un joueur qui est intelligent avec et sans la rondelle. Fait que je serais curieux de le voir. Il joue-tu en piqué? Oui. Puis même, il y a une game à un moment donné qui a comme, il a fait jouer en prolongation. Puis ouais. C'est incroyable dans le fond. Tu sais, le loose qu'il donne, puis ça, il manque confiance, ouais. Le kid. Fait que vraiment, ouais. Là, je pense que ce gars, il serait capable de rouler en patin à roue alignée sur le tour. Il n'y aurait aucun problème. Ouais, lui est capable de rentrer dans la parade. Là. Bravo à Bergevin d'avoir eu le flair de le ramener. Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rêve. Puis merci à Terrien d'avoir fait jouer. Il est mieux de comprendre. Voilà, toutes mes excès sont passés pour le podcast. Ça, c'est fait. Ah non, on en a des succulents. on a des bons. On a deux autres bons tantôt. Là. Bon, on m'a donné mon plus à Plaky, moi aussi, pour sa constance. Puis je vais en donner... Ouais. Pour toutes les... la fois de la famille, ça. Ouais. Pour tous les points qui ont été mentionnés auparavant. Et je vais redonner encore un autre plus à Darnay. Il y a 5 pieds 8, esti, puis il faut qu'il y aille dessus. Hey, je suis presque bandé Darnay ces temps-ci. Ouais. Il joue bien, puis il est constant. Pour un petit gars de 5 pieds 2, là. C'est un guerrier. Il lâche pas. Steve, il est tout à sa rondelle. Ah, il y a du cœur en Chris. Il y a toujours des débuts de saison un peu laborieux et difficiles, Dernay, mais il finit par se reprendre. Fait que, il va finir avec 60 points encore cette année, si je me trompe pas. Ce qui est très bon pour un gars comme Dernay, là, justement. Ouais. Tu t'attends pas à ce qu'il fasse 60 points. Enlève-les pas avec Pacioretty. Ouais. C'est son fit, c'est Pacioretty. Mais tant mieux, ça marche. Décolle-les pas de là. Ça va juste prendre un autre duo pour que ça puisse avoir de l'allure. Là. Ouais, c'est sûr, parce que Plekanec. non, mais pour vrai. pour vrai, là. En tout cas. J'aurais fait un plus trio Plekanec des Harnais et Plekanec aussi, là, facilement. Hein? Là. Ouais. Trio de plus, pas un trio sur la glace. Là. Ben, le trio Plekanec, Galchenyuk, Gallagher, ça roulait, là. Ouais, c'est vrai. Ça a roulé, Chris. On se le cachera pas. Là, Gallagher, il joue pas mal mieux que Weiss sur le premier trio. Il a pas mal plus sa place qu'un Weiss. Puis on l'a vu hier à la dernière game. Eux autres, ils étaient partout. Là. Gallagher, il patinait. Resti. On dirait qu'il y avait un pétard dans le cul. Là. Il était malade mental. Je l'avais rarement vu aussi bien. C'est comme jouer. S'il avait donné un boost de jouer avec quelqu'un qui n'est pas un trou de cul au centre. Alors, on va faire maintenant le tour de nos moins pour ces dernières games. Pauvre lui, si ça l'encourage de voir Dernay juste checker Pacioretty puis Chrissy Gallagher, moi, s'il se contente de ça, ouais, il a quand même scoré deux buts hier. Eh oui, parce qu'il rush le net. Ouais. Ah oui, il fait bien sa job. C'est sa spécialité parce qu'il ne scorera pas les buts. C'est ça, c'est deux buts de poubelle qu'il rush le net. Ouais, il ramasse les garbage. Mais c'est bien correct, c'est de même qu'on. T'es un vidangeur. C'est de même qu'on se rend dans la nouvelle ligue nationale. Il a mis ses bottes de travail et il s'est présenté. Comme oui, ça, c'est. La game a changé. Tous ses goals, c'est la même affaire. Les buts de Wii sont quasiment tous pareils. Il se bat tac. Mais oui, il y a encore moins de mains que Gallagher. C'est pour ça que Gallagher, c'est bien plus pertinent que soit là. Mais oui, pas sur le premier trio. C'est pas grand chose. Ben, il n'y a pas autant de temps de glace, puis il n'y a pas des bons joueurs avec lui. Parce que lui, il rush le net et tout. C'est ça. Il n'y a pas peur de chevelure d'Auric. Moi, on n'est pas rendu au négatif. Ben, on est rendu. C'est bon, ben, il va d'abord. On est dans le négatif, là. Oui, c'est bon. Vas-y. Plekanec. Non, c'est pas vrai. Non, mon négatif. Ben, sérieusement, je vais laisser aller quelqu'un d'autre. Moi, sérieusement, je n'ai même pas pensé à un négatif. Je ne vais même pas dire. Comme à chaque show. Vas-y, de voir Alexandre. Ah, c'est Heller. Moi, Heller, je ne suis plus capable. Calissez-moi ça en dehors de l'équipe. Hey, man. Moi, là, assis, il me met ses nerfs. Il me met. Sérieux, je regarde, puis j'ai goût de me mettre un col roulé. Non, mais pour vrai, il joue mal. Il donne les ulcères. Il joue mal, il a zéro confiance, puis il nuit à ses coéquipiers. Il prend des mauvaises décisions. Tu vois qu'il n'y a pas, qu'il sait aucunement quoi faire avec ça. Là. On dirait que tout ce qu'il se dit dans sa tête, c'est je vais faire un jeu, puis ça va être de la marde. Puis effectivement, il fait de la marde. Moi, je veux plus ce joueur-là, je veux plus le voir. Il me fait chier. Va chier, Heller. Ouais, c'est son problème à Heller, je pense que c'est quand il va dans le bureau de rapist, ça va pas bien pendant tout. The rapist. Son bureau de l'harceleur sexuel, là? Ouais, The rapist. T'es rapist. Mais. T'es rapist. Hey, l'harceleur sexuel, t'es rapist. T'es rapist. Mais je voulais dire ça, puis je voulais dire aussi que le trio de Whis Pross, il collise pas grand chose. Parce que quand tu joues à Galler, c'est comme si tu jouais dans le terrain des Black Moon. Il fait pas juste être mauvais, il nuit à ses coéquipiers. Entre autres, il est pourri. Je le blâme pour ses catchs présents. Clairement. Sûr. Puis moi, je le blâme d'avoir donné une game de merde à Plekanec hier. Plekanec hier était mauvais. Là. Puis je suis un fan fini de Plekanec, mais hier, il a joué comme de la merde. Puis c'est à cause de. Il était en crise parce qu'il jouait avec Heller. Hier, qui était la game contre les Panthers qu'on a perdu en tir de barrage. Là. C'est pour le monde qui nous écouterait en différé. Bon, mais dans le fond, là, en tout cas, tu parlais de Prost, là, puis Prost, c'est parce qu'il frappe pas. Il mange trop de poutine. Il frappe pas. Deux poutines, hot chicken bacon. Ça me le prend, cet accès-là pour le soundboard. Mais il va se battre genre pour venger des affaires, des situations, tout ça. Il va faire comme la job qui redevient de faire, qui lui revient un peu, tout ça. Mais je veux dire, mais Pross, il ne drop pas les gants. Pross, il ne drop pas les gants. Il ne sert strictement à rien parce qu'il ne va pas geler. C'est bien rare qu'il va faire des grosses mises en échec. Il va changer la game. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, c'est Dave qui. Dave est terminé encore dans le podcast, même s'il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe là? Il écrit en passant, mande de salope, j'ai rien contre les noirs. Contre les noirs. Dave n'est pas là, on le traite de raciste là, pendant qu'il n'est pas là. Vas-y, Jeff, avec ton moins. Ton témoin. Ben, mon premier moins, j'irais avec Tokarski. Parce que ça fait ses trois derniers games, il a joué contre les Coyotes, Edmonton et puis les Sénateurs d'Ottawa. C'est vrai. Calice, ça fait dur son histoire. Là. J'aurais l'impression de revoir Boudaï. Oh. Eh oui, il y a une fiche de 5-5-2. Ah, mais il cherche la rondelle, il n'est pas en confiance. À chaque game, on dirait qu'il sait aucunement où. Il paraît tout le temps à rondelle. Il est tout le temps dos au jeu. Là, tu la poque qui glisse entre les caisses. Ah non. Un message aux agents de joueurs. Quand un joueur manque de confiance, faites comme Pierre Lambert, présentez-lui une de vos filles, Chris. Jeff est encore une donnée des spoilers de l'ancien compte, là, ça y est. Moi, je vais être en tabarnak. Là. Arrête, Asti, de parler de l'ancien compte. Mais non, mais tu le savais, c'est depuis la saison précédente. Ah oui, ça c'est vrai, ouais. Déchirue, avec. Ouais, j'ai même pas écouté ça, cette saison. Ah ouais, toutes les filles de Lambert, elles sont qu'un joueur du National. Mais. Ah, mais c'est bon, ça fait cascade, tu sais. Ça fait cascade. Ah oui, cascade. Ben, tout ça pour venir à Tokarski. Ah, Tokarski, tabarnak, vous êtes bitch avec ça. Ça fait dur, puis. Ah non, il est pourri, là. Ah ouais, ouais, gars. Ah non, mais gars, tu sais quoi, ça te montre que Montréal sont pas capables de défendre leur goaler, puis si Price est pas là, ben, ils perdent. Non. Deuxième goaler. Là, Mart, tu donnes raison à Larac, là, dans le. Dans le fond, c'est quoi le problème? Là? C'est-tu, non, non, c'est-tu le même club qui se présente? Enlève la raque du chemin, là. C'est moi qui dis ça, c'est pas la raque. Ben, j'ai une question pour toi, dans le fond. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est-tu le même club qui joue devant Price et Tokarski, d'après toi? Ben non, les Defs, ils jouent pas pareil. Les Defs, ils jouent pas pareil que quand c'est Price et Tokarski, c'est Mais pourtant, sûr. Je fais le contraire. Ils joueraient bien plus serré si ça serait Tokarski des nets. C'est pas de même. Ils prennent ça plus lousse? Ils prennent ça plus lousse. Ben oui, ils prennent ça plus lousse. Sacrement, Asti. C'est comme dans le temps d'André Rassico, calice. Ben, ça n'a pas changé, Asti. Hockey, ça reste du hockey, là. Mais ça, moi, juste ces gars, ils patinent plus vite. Un deuxième goaler, là, c'est là pour aller chercher des victoires un petit peu partout pour poser l'autre goaler. Quand tu joues une game par mois, Asti gagne là. Surtout contre des clubs de. Ben ouais, il devrait avoir au moins une moyenne de trois quarts de ses games, ça devrait être des victoires. Mais ça, au moins. Oui, mettons, il y a une fiche de marde, il accorde au moins trois buts par game. Cam Talbot, il fait quoi là, en ce moment là, avec New York? Il paraît très bien puis il gagne. Bon, mais tant mieux pour lui. Il alloue 3,5 buts par game. C'est ça, ça fait. Ouais, mais on a une défensive de marde, tabarnak. On est l'équipe qui accorde le plus de tirs, hostie. Tout le temps, man. Tu le vois dans le net. Il fait aucun arrêt-clé, cette calice-là. Il en a fait des arrêt-clés, c'est pas vrai. Il en a fait des arrêt-clés. Ça compte pas dans le réchauffement. Non, dans la dernière game, il en a fait des arrêt-clés. Moi, je pense que vous êtes biaisé. Vous êtes très dur avec Tokarski. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans la saison régulière? On voit Price qui est un hostie d'étoile comme qui gosse à la tête tout le temps. Fait qu'on est habitué à des crises de game de fou. Là. Non, mais Tokarski nous a habitué à mieux gauler en série l'année passée. Ouais, mais il gaulait tout le temps. Il n'y a pas le temps de rien pogner. C'est pas des matchs difficiles qu'on lui a donné. Là. Les Coyotes, là. C'est parce que la poudre est moins bonne à Montréal. En plus, les Coyotes, c'était Louis Domingue qui gaulait. C'était sa première game de la Ligue nationale. Ouais, mais. Puis dans les Sénateurs, c'était leur troisième gauleux qui était sa première game de la Ligue nationale aussi. Ouais, mais toi, Malette, t'as remarqué que Montréal, ils perdent tout le temps contre les teams poches. C'est pas normal. Bon. Ben, même avec Price. Puis j'ai même un stats aussi spécial pour toi. Dans les 15 derniers games, on a perdu 5 matchs. Puis c'est toutes des hosties. Team de cul qu'on a perdu. Ben oui, c'est classique, man. Mon énergie aux hosties de fans de cul est revenue. C'est tout le temps de même, hosti. Il lève le pied, man. Ah non, je suis pas content, tabarnak. Là, je commence à être encore ben en crise. Ouais, ouvre une autre bière à GF, là, puis sors le doigt. Là. Après la période, je vais y aller. Fait que Mart, t'as-tu un moins ou tu... Ben là, Chris, on n'aurait jamais dû échanger Devan Dubnyk, hein? Ben, honnêtement, David Dubnyk, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé quand il était à Hamilton? J'ai regardé Boudaille, moi, par exemple. Vas-y. Non, tu le sais-tu, Jeff? Tu le sais-tu? Non. Petite belle passoire. Dominique, il s'ennuyait de sa femme, son enfant. Fait qu'il a crissé son camp chez eux à la fin de la saison, qu'il était à Hamilton. Fait qu'il a quasiment pas gaulé. Ah, ouais, OK. Puis Terrien, il avait dit, ben, dans le fond, Chris, qui mange la marde, mais il a pas dit ça de même, mais c'était quasiment ça voulait dire. Dominique, il a comme. Comment tu déclaré forfait. C'est ça qu'il a fait. Ah ouais, il a pris sa retraite comme moi, juste année, je m'en vais. Puis la manière que Dominic goal là, j'aurais bien aimé ça l'avoir contre les Rangers. Ouais, mais de la manière qu'il goalait avec les Oilers, puis les Oilers en sont départis, t'aurais peut-être pas voulu le monter, puis déplacer Tokarski, puis le renvoyer d'Hamilton. Les Oilers. Tu sais, après, ben oui, je sais, les Oilers. Mais Chris, en même temps, Tokarski, là, avec les playoffs qu'il a connus l'année passée, tout le monde a comme, ah, tabarnak, Tokarski, on a une hostie de bon deuxième, là. Puis là, Chris, il en perd trois, mettons, cette année. Il y a même pas de fiche de 500, je pense que 4 victoires et 6 défaites. Non, il y a 5-5-2. Ouais, mais Chris, calmez-vous. C'est 5 victoires et 7 défaites. Le monde, là, vous êtes ben trop. panic switch, hostie, man. Non, je suis pas fou. Jean-Montréal. Il joue à bas de 500, c'est là. C'est ça, c'est panic switch. C'est pas normal, il joue à bas de 500, Montréal, le club. Montréal panic switch. Le club a 38 victoires, hostie, puis la moitié de leur défaite, c'est avec Tokarski, ça marche pas, là. C'est vrai. Bon point, Alex. Il joue même pas pour 500, là. C'est pas normal. Ouais, mais il goal jamais. Ouais, mais Boudaille, je suis sûr qu'il avait un meilleur ratio. Moi, je checkais ça, là, les pucks autour de Tokarski le soir là, qui goalait, là, comment ils ont eu de la misère à défendre le net, le défenseur. Là, c'était pas beau là, tout de suite. Là. Ah ouais, mais quand j'ai vu Tokarski faire la toupie autour de son filet, moi non plus, je trouvais ça pas bien. Parce qu'il a chié deux pucks. Boudaille était Théo pas mieux. Quand Boudaille était pas mieux. Ouais, mais Boudaille était bon en crise dans le vestiaire. C'est vrai. Il fermait sa gueule. Bon, fait que je vais donner mon moins à Tokarski. T'es bon dans le vestiaire, Rusty. T'es bon dans les douches, Chris. T'es bon. Hey, t'es fin dans le vestiaire. Là, on avait du fun, Rusty. Tabarnak, c'est pas dans le vestiaire, Rusty. Tu viens le dire, il gaule pas, Calis. Au moins, s'il est bon dans le vestiaire, c'est déjà ça. Chris, Tokarski, à place inutile, de. Inutile, Rusty. Ben, je préfère Tokarski que Boudaille, tabarnak. Ben, pas moi. Fait que je vais donner. Ça finit là. J'ai un col roulé, tabarnak. C'est quoi ton moins, ben, déjà? C'est... Moi, Mark, il n'a pas donné. Ah, moi, mon moins, mon moins... C'est l'équipe de la soirée du podcast qui donne des moins à Tokarski. Non, je vais le défendre pour petit, moi, Chris. Je vais l'aider. Moi, je suis un believer, c'ti. Prochain podcast, ça va être son plus. Après 3 défaites en ligne. Il gaulera pas dans les 2 prochaines semaines. Ah, fais pas ton smart, toi, le fan de Plekanec, c'ti. Moi, j'ai de quoi être fan de Plekanec. Et Chris, ah, ouais. J'aurais bien hâte de le voir dans les playoffs, ton petit Plekanec. Hey, on est en playoff? Bon, moi, là, je le donne, c'ti, à... Mon moins, je le donne à... Je sais plus quel cas, là. Mets les dents à Malotra, tabarnak. Ah, ben, hostie, que même moins que moi, Mark. T'as le temps de valeur sûre, Malotra et son indice Corsi de moins 300. Fuck you, là! Au début de la saison, on disait, il est là pour gagner les mises en jeu, là, puis il est pas là pour scorer, faire des points. Je commence à être plus d'accord avec mon propre commentaire, là. À un moment donné, ben, ça fait. T'as le droit de revenir. Je revise ma décision. T'aurais dû acheter un char de JF puis parler en français, Calis. Pendant que Dave intervient encore dans le podcast entre JF et Mark. Je vais donner mon autre moins aussi à Heller, là. Plus capable. Plus capable. On va être en mesure de l'échanger. Ben non, c'est ça le problème. Heller, personne, tabarnak. Tu veux, qui, toi, t'es les DG sont épais, mais pas à ce point-là. Là. Toi, t'es un DG d'une autre équipe, tu le veux-tu, Heller? Mais il y a quelqu'un qui a pris Gomez. Tu veux-tu Heller, sérieusement? Non. Bon. Fait que qu'est-ce que tu penses va arriver avec? Il va rester ici, Asti, ou tu vas l'échanger quand t'as un Asti de chaudron? Non, mais t'entends-tu, Bergevin, qu'est-ce que Mart, il dit? On s'est départi de Gomez. Il l'a signé pour 4 ans à 3,5. Tabarnak, il était même pas obligé. Puis, puis à 3,5 des harnais, tu le trouves comment? Je trouve ça, je suis très satisfait. C'est sûr que je suis un petit peu sévère envers le petit cul, là, mais honnêtement, là, je suis très satisfait de ce qu'il me donne. Puis quand il avait pas scoré en début de saison l'année passée, tu disais quoi? Pendant, ça avait pris 50 games avant de clutcher. Oui, là, Hamilton! Des choses négatives. Bon, c'est ça. Mais ben, c'est tout le temps ça, hostie. Là, ben oui, mais Chris, LR, il marcherait bien. On veut gagner la coupe. Ça fait 20 ans qu'on attend, tabarnak. Ouais. C'est sûrement pas Théo qui va nous l'amener, la coupe. Là. Ah non, Théo, hostie. Non, je parle pas de Théo tout de suite. On attend deuxième. On a un segment Théodore en deuxième. Restez à l'écoute. On va prendre des shots. Non, mais c'est ça. Chris, écoute. Là, lui, là, il a voulu récompenser, là, peut-être. Là, parce que moi, je me souviens l'année. Mais récompenser pour quoi? Moi, je me souviens, là. Moi, je me souviens l'année, là, qu'Heller, là, il s'est fait blesser par Graiba, là. Tu sais, en playoff, là, contre Ottawa, là. Ouais, il a mangé un coup de poing sur le nez, là. Non, non, il a mangé un os. Une mise en échec, là, mon gars, là. Il a fait l'étoile en hostie, là. Ouais. Ben, Chris, il y avait. C'était pas mal lui qui était un des bons joueurs de Montréal en playoff quand ça avait commencé par fin de saison. Il est où, ce gars-là, là? Ben, ce gars-là, ben, il est comme Tokarski. Il est encore étendu sur la glace. Il est dans le. Bon, ben, moi, il est dans le rapist. Changerais de rapist, tout de suite. Ben, c'est le, ça. Le gars, il fait ça. Pas sa job, mais c'est pas ça. Ben, c'est pas Heller, c'est le rapist, là. Écoute, Je sais pas. Les gars. Ben, si on s'est débarrassé de Gomez, on est capable de se débarrasser d'Heller. Oui, parce que. Un boulet, c'est un boulet. Ouais, tu vas le mettre, tu vas le mixer dans un trade qui va passer. Comme, mais tu sais, même à ça, 3,5 millions. Ah, c'est cher. Qu'est-ce qu'il veut ça? C'est à Bergevin de vendre le joueur. Oui, mais. De faire un beau rave. Chris, il était capable d'échanger Book puis l'autre cave, là, Moen. Il est capable, Basti, de faire de quoi avec Heller. J'avoue que tu départis de Moen, tu peux probablement te départir de Heller. Mais oui, puis Heller, il y a du potentiel. Ben, gars, Heller, tu vas l'échanger contre un autre problème d'une autre équipe. That's it. Yakupa. Tu vois. Oh. Je le prendrais de nerf, voilà, quand on y a... Honnêtement, rendu là, je pense que je prendrais un gros grain sur Yak. T'as-tu mixé comme Heller et Yakupov dans le main trade, là? Ouais. Avec Heller avec une valise de cash pleine. Heller et quoi? Heller et... Et? C'est cash. Heller, et ça, et comme Yakupov? Non, j'ai dit des noms de même. Je quitte le studio. J'ai dit des noms de même. Non, mais tu savais que Yakupov, il est très proche de la famille Galchenyuk? Oui. Puis, oui. D'après moi, je pense ensemble. Que tant qu'à faire, je prendrais un risque d'échanger. Tu sais, comme dans le temps de la tendresse puis Pouliot, là, on a échangé deux gars à problème. Ils sont où, ces deux gars-là? Ils sont même plus que le CH. Qui mange la marne? Puis Pouliot, il est rendu riche en esti. Ouais, mais... Il est mort de rire, lui, là. Ben ouais. Mais dans ce temps-là, dans le fond, ça a comme relancé un peu la carrière des deux temporairement. Tu sais, la tendresse, il est devenu un joueur correct, puis Pouliot aussi. Il a quasiment marqué 20 buts dans cette année-là, puis la tendresse, je pense qu'il s'en allait vers une saison de 25 buts. Je prendrais le risque. Vraiment, là. Ben, Yakupov? Oui. Ben oui, ben Chris, c'est sûr, man. Okay, je pensais que t'étais contre non, ça. Mais c'est ton trade n'a pas de sens. Là, je t'aime bien, moi. Non, c'est pas ça. Non, j'avais de slugger, mais là, je t'aime bien. Non, c'est pas ça. C'est pour l'affaire de Heller. J'étais comme tabarnak, là. Tu peux pas mettre Heller puis Yakupov là, dans un trade, là. Ça te prend, là. Heller, là, c'est comme l'os vaut plus. Puis la viande. Non, ça te prend la viande autour de l'os Heller, là, si tu veux pacter un trade, là. Ah, fait que tu penses que Yakupov coûterait plus cher qu'Heller, genre? Ben oui. Oui, là, voyons. Il y a pas mal. Qu'est-ce que tu bois, JF? Tabarnak, tu la crise de Monson Canadien qui donne moins de calories. Dis-moi là, que t'as un degré d'humour que je comprends pas. Là. Non, mais j'ai pas dit un pour un, mais je fais juste dire que, ouais, là, que tant qu'à faire, je ferais le switch. Là. Ah non, hey, Yakupov va coûter cher. Là je pense que les gars, je pense qu'il faut prendre une pause et aller se parler dans la cuisine parce que ça n'a pas de bon sens ces commentaires-là. On fait un entraque pour vous vivre la deuxième période. On est retour pour la deuxième période. Ouais, fait ça, je disais, là. Fait que là, Heller contre Yakupov directement, là. Ouais, un pour un. C'est ça, mais là, il faut pas commencer à mélanger les guenilles avec les serviettes, là. C'est une... Hey, c'est Mart, d'habitude, qui a des belles expressions de mort. C'est ça, j'attends Mart encore. Je suis un peu déçu de rien sortir. Ah, ben moi, là-dessus, je dirais que chaque torchon trouve sa guenille. Voilà. Non, mais ça, c'est connu. Tu sors pas des sentiers battus en ce moment. Non, j'essaie. OK, je vais essayer d'en revenir de quoi. Fait que pour débuter la deuxième période, on va faire un petit survol rapide des matchs qui ont eu lieu entre les deux podcasts. Alors, on va passer vite. Alors, on a battu les Devils 6-2. Une belle victoire après ça. Une victoire de 3-1 contre les Bruins de Boston. Les fucking Bruins qui feront sûrement pas une série cette année. Bien content. Ben là, rien de fait encore, mais. Allez, prédiction. C'est pas fort, regarde c'est pas mal fort, en crise. C'est pas fort, pantoute. Quand tu perds Copen Minton, là, t'es dans la merde. Moi, je fais un cheers aux Bruins qui feront pas une série. Ouais. C'est cheers. Allez, donc, tout chier. Ouais. La merde, les Bruins, à cette gang d'épaves. Dans le brun, les Bruins! Après ça, on a joué contre les Flyers, la game que moi puis Alexandre. Dans le brun des bruns. Dans le brun des bruns, le brun. Là. Qu'est-ce que le brun peut faire pour toi, UPS? Quoi? Ce que j'expliquerai pas. UPS, on cherche des commanditaires pour de l'expédition outre-mer. Ou juste du free shipping, là, dans le fond, là, c'est comme ça. Ouais, ou si vous pouvez cogner quand, chez nous quand vous livrez des affaires, ce serait crissement le fun, UPS. Voilà, ma montée de lait est faite. Donc, ah, ben, fais-les livrer un petit magasin UPS. Bon, ben, il y en a un, c'est juste une coiffeuse, là, pas loin de chez nous, là. C'est dans des places de coiffeuse ou des genres de salons de nettoyage, là, que c'est, ouais. Là, que tu vas chez tes colis, là. Ouais, il y a comme un shipper pure later, pas loin de chez nous, là, c'est dans un salon de coiffeur. Ouais, c'est chiant, ouais. Calice, c'est quoi le lien? Donc, comme je disais, on a battu les Flyers 2-1 en prolongation, un but d'Arnais. Un petit d'Arnais. Après ça, on a joué contre les... Ah, une petite goal à part de ça. Hein. Ouais, il est allé chercher ça. Avait... Ouais, il avait comme eu son propre rebound, me semble. Puis ouais, puis il a collé rentré top, le top net, man. C'est... Bravo, petit bâton. Ça sert. Hein. Après ça, on a joué contre les Oilers. Et puis évidemment, quand on joue contre des teams de merde, on perd. Alors, on a perdu 4-3 en prolongation contre les Oilers. C'était qui, début? C'était... Tukarski, ce game-là? Ouais. Ben, Price Pie tout le temps, oui. C'est pas une référence, aussi. Hein? Price Pie contre les Oilers et tout. Il y a des défaites contre Price, les Oilers. Price, il n'a pas goalé contre les Oilers cette année. Bah, pas cette année, mais l'année... Ah, tu vois, whatever, ils ont perdu pareil. Il y avait... Ensuite, on a joué contre l'excellente équipe de Toronto. T'as quoi, ce qu'ils n'ont pas plus gagné? On a battu les, on a battu les Maple Leafs 2-1 en tir de barrage. C'était dur. Après ça, on a battu Détroit 2-0, un beau blanchissage. Ensuite, ben, les deux dernières c'est games... C'est pas ce qu'il aurait fait ça. Hein? Non, après ça, deux belles défaites, 2-2. Contre Ottawa, on a perdu 4-2. Calice, là, c'était honteux, ça. Fascinable. Puis après ça, on a perdu 3-2 en tir de barrage contre les fucking Panthers de la Floride. Tabarnak. La faute à Price. C'est la faute à Price. Ah ouais. Il aurait pas dû la laisser passer. Ça n'a pas d'être Tarkovsky, il était sur le banc. Ah ouais, c'est, mais c'est ça. Chris, il n'aurait pas dû être là. Fait que justement, le concernant. On a tout hâte que Foucault s'en vienne. Ouais, ça arrive, ça s'en vient. Fait que là, justement, contre la dernière game, contre les Panthers, la défaite de 3-2 en tir de barrage, on a un excellent extrait audio de Terrien qui parle de Sekatch et Eller. Mais c'est un journaliste qu'on comprend pas vraiment la question parce que les astuces journalistes sont pas mikés. On a déjà parlé de ça. Fait qu'il répond pourquoi est-ce qu'il a utilisé Eller puis Sekatch. Je sais pas, c'est pas en tir de barrage, mais. Je sais pas exactement, mais ils ont demandé pourquoi ils l'ont utilisé. Voici l'excellente réponse de Jeff. Prend pas une gorgée de suite. Non. Ouais, non, on boit pas tout de suite, Jeff. Non, mais c'est des gars comme Sekatch, des gars comme LR, ça fait quand même 2 mois qu'ils n'ont pas marqué. Donc, j'y allais avec des gars qui. Avec des habiletés. Hein? Ouais, un extrait faible en mono, là, on avec des habiletés. Mais... Avec des habiletés. Bon, il s'étouffe dans ses mots au début, t'as rien, puis après ça, il dit fait quand même 2 mois qu'on n'a pas marqué. Des gars avec tes habiletés. Il était cœur. Il était tellement blasé tout le temps, t'as rien, c'était effrayant. Là. Il sait comment répondre aux journalistes. Ah ouais, puis. Des hosties de questions niaiseuses de tabarnak. Là. Cette semaine, Jeff m'a envoyé une vidéo de Terrien qui répondait à des questions, puis il a fait une face. Il a blasté Maguire, puis il s'est retourné de bord, puis la face qu'il a faite, là. Il a fait une face de comme. Fendons ta gueule, calice, avec tes questions niaiseuses, ouais. Là. C'était ouais, fou, ouais, là. Ouais, ouais. Genre, les deux gros yeux sont retournés, comme. Ah, c'est-tu que c'est ça? Mais ses paroles sont pires en plus, là. Tu sais, quand il fait comme. Oh, Martin. Non, t'es pas là. Tu sais, c'est comme. J'irais passer mon doigt, c'est à Michel. Colle-moi les. Ça a sorti bizarre, hein? Ouais, j'avoue, plutôt. Moi, je l'ai pris sur l'autre sens. J'étais comme, j'irais passer mon doigt, Michel. J'étais comme, wow, mallette, man. C'est fucking dirt, man. Qu'est-ce que tu bois, tabarnak, la Canadienne? Là, là, message aux fans sur Twitter. Arrêtez de primer JF avec ses call-out. Est-ce qu'il est rendu qu'il parle de passer le doigt à Terrien, là? Ouais, c'est ça, là. Ça prend comme un genre de break à ça, là. Parce que ça, là, vous êtes en train de créer un monstre, sti. Il est plus contrôlable. Eh non, c'est Cosby m'a vendu à la bière. C'est Crosby qui t'a vendu à la bière? Crosby. Ah, ben, on parle de Crosby, là, puis bon. Alors, deuxième période, parlons un petit peu du Canadien. Là, on était quand même chanceux sur les blessures cette année, puis ça arrive tout en même temps, finalement. On a... Murphy, man. Ouais, exact. C'est là, on a... C'est pas... On a Puppy Gun. C'est le contraire, d'habitude. Ouais, c'est ça. Lewin Murphy, c'est quand que quelque chose qui peut mal aller, ça va mal aller. Hein. Quand il faut pas que ça arrive. Exact, ben, ça c'est arrive. Ça. Ben, c'est pas mal. Ben, là, il fallait pas que ça arrive. C'est le temps même que ça arrive. C'est-tu, tant mieux, ça arrive là. Parce c'est mieux qu'en playoff, là. Mais... Chris et Emeline, là, tu vas le dire. Ouais, Emeline, ben. Ben, Emeline est blessée. Bon. Puis d'ailleurs, j'ai un extrait audio de Terrien par rapport à ça. Puis c'est un extrait audio en anglais. Puis j'aimerais qu'on porte attention à ce qu'il dit parce que. C'est succulent. Mon frère, je pense. Prends une gorgée, Marc. Non, non, non. Non, moi, je crache pas. Sti, mais... Marc, il avale tout. Fait que. Ça aurait été dit. Ça, c'est une bonne raison du pita à bière. Ça a failli. Fait que, bon, mais écoutons le commentaire de Terrien en anglais sur la blessure d'Emeline. Puis portez attention, s'il vous plaît, à son bafouillage en anglais. C'est succulent. Regarding Alexei Emeline, he's going to be rehabilitated next week to see if he's going to be able to play. Ah, je veux le remettre. Excusez, c'était bien trop bon, ça. Regarding Alexei Emeline, he's going to be rehabilitated next week to see if he's going to be able to play. Ben, il est fort, Terry, parce qu'il continue puis il l'a pas il s'en bat pas là. Rehabilitating, you know. Mais les journalistes sont bons de pas rire de lui. Ben tu vois. Sérieux, ouais. C'est sérieux dans sa face. Rire en crise, moi, j'aurais ri, c'est sûr. Sur le coup, je dirais que Chris, j'étais même pas sûr de qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire. Là, j'ai fait ok, ouais. C'est comme réévaluer là, qu'il veut. Mais j'avoue que pour un Québécois, genre qui parle comme anglais, ben so-so, ce mot-là, il peut être tricky un peu. Ben so-so, il parle en anglais tous les jours. Ouais, dans la chambre, ça qu'il dit. Ouais, mais Chris, as-tu vu? As-tu entendu l'accent anglais pareil? Là, ouais, non, je sais. Renaud Lavoie est pas si loin que ça. Là. Fait qu'Emeline, vas-tu nous faire mal présentement? Je pense qu'il y a 6 semaines qu'il sera pas là. Ben, moi, là, moi, vous le dire, là. Ouais. Emeline ou Thénardier, c'est la même affaire. Ben non. Hein? Je suis d'accord avec Alex là-dessus. Puis pour répondre à la question à JF, c'est ça que Therrien voulait dire. On s'en entend jamais. Okay, c'est ce qu'on a pas compris. La rumeur, selon Eric Engels de Hockey Buzz, c'est un conqueur de Hockey Buzz. Puis il avait dit, c'est lui qui a déclaré sur Twitter que Yamlin c'était fini pour 6 semaines. Puis dans le fond, Therrien, ce qu'il a dit, il dit voyons donc. Puis c'est pour ça qu'il a ramassé Maguire. Il a dit il va être réévalué. Puis on va le savoir la semaine prochaine. Fait qu'on parle peut-être d'une semaine à date. C'est un day-to-day. Les hosties de journalistes, là, encore là, ça. Ouais. Ah, ça prend des infos un peu partout. Non, mais tant que tu me quotes pas Hockey Insider, Jeff, on est correct. Là. Ah mon Dieu, ouais, j'ai tout un retweet là-dessus. Ah, mais là, toi, tu es en train de me dire que Emeline et Tenorti, c'est la même affaire? C'est pas la même affaire. Same. Et c'est bon. Same. Ben, c'est le même nombre. Le même genre de joueur typique, dans le fond, un gars qui frappe. Puis j'avoue que vous autres là, vous jugez Tenordi après une game là. Non, je dis pas. Puis même genre Emelin, de joueur. Ça fait 3 ans là, qu'il joue ce là. Ce qui veut dire c'est même que Tenordi c'est le même genre de joueur mais que on sait pas c'est quel genre de joueur Tenordi. Ben c'est supposé être un défenseur. On sait que c'est un gars qui se fait knocker des ça va être un genre de gars stay at home là tout ça mais je veux dire c'est comme un défenseur défensif robuste. Moi ça fait plusieurs semaines que je dis qu'on devrait essayer Tenordi à place de Yamlin. Là c'est comme fait. Fait qu'on va pouvoir savoir dans les prochains jours si Tenordi, finalement, il a comme appris de son cheminement dans le club-école. Ben, puis pourtant, Therrien, il y a pas longtemps, ils l'ont monté, là, esti, parce qu'ils sont pognés pour le monter, là. Ils sont pognés pour le monter, mais... Ils l'auraient pas monté c'est parce que... C'est un challenge pour le kid, là. C'est un très beau il challenge. Il a fait deux games, puis il a bien fait. Il a bien fait, puis je suis fier, moi, esti, je suis content, parce que Tenordi, j'espère qu'on est capable de le monter dans notre équipe sans le changer. Ça fait une belle monnaie d'échange si tu veux faire un échange parce qu'on sait pas c'est quoi son potentiel exact. Mais moi, ce que j'entendais, c'est qu'à Hamilton, ce gars-là, il était déjà topé en ce moment puis il débloquait plus. Puis moi, je lance ça dans les airs. Ouais. Il y a l'année dernière, on se demandait entre Beaulieu et Tenordi, des deux prospects qui jouent à Hamilton, lequel va monter en premier. Puis Beaulieu est monté, puis il est là pour rester. Là. C'est fini. Beaulieu, sa place est faite. Il est là pour rester. Fait que peut-être que Tenordi, lui, il voit Beaulieu, son chum avec qui il compétitionnait pour faire le club, le grand club, qui voit qu'il est bien installé. Peut-être que ça lui donne un petit coup de pied dans le cul, puis hey, faudrait. Tu sais, je le regarde, puis ouais, il joue mieux que moi, puis faudrait peut-être que je me donne un coup de pied dans le cul pour rester dans le club. T'as entièrement raison c'est là-dessus. C'est peut-être ça aussi qui fait que. Il arrive ici, puis il joue bien, puis il est là pour... Il a une place à gagner, puis il va peut-être la gagner. Ce qui m'inquiète de Tenordi, moi, là, c'est que ce gars-là, quand je le regarde, là, il y a une chose que je trouve, c'est que je trouve que il a pas l'air d'avoir inventé le pain tranché, lui, là, OK? Ah, mais il s'est fait knocker, le pauvre, là. Puis à part de ça, puis à cause de ça, ça me fait comme penser à Ryan O'Byrne, on dirait. Tu penses qu'il va voler sa coche en Floride? Ah, ça, c'était pas de lumière, hein? Non. Puis j'ai l'impression que Tenordi, ce qui me fait peur, c'est qu'il soit de même un peu. Là. Il va en anglais, c'est « he's gonna prove you wrong », mais n'inquiète pas avec ça. Je suis certain que j'espère. Dans ma tête, déjà, l'espère, mais c'est que Tenordi va être de bonne mieux comme weird, ça. Mais j'ai comme eu cette pensée. Ben oui. Non, c'est correct parce que c'est sûr mais que j'ai c'est comme eu cette pensée-là. J'ai fait comme, oh, Chris, il me semble, j'ai vu une entrevue avec lui. J'ai fait, hé, tabarn. Mais tu sais, je juge, là. Mais son jeu, sa patinoire, j'ai bien apprécié. Mais il s'est battu. Il a fait un hostie de mise en échec comme qui était solide. Avec la shape c'est pas difficile non plus. Puis, mais Emelin, là, moi, je trouve qu'il est crissement bien timé dans ses mises en échec. Il est cinquième en ce moment dans la Ligue nationale. Ah ouais, d'accord. D'un hit. Ouais. Pour les def. Ah, il a plus l'expérience, il a plus le timing du ouais, jeu. C'est ça va pas mal c'est plus ça. Vite que dans. Il a juste pas première base pendant tout. Ben, Chris, ouais, c'est ça. Ben, c'est important pour Yamlin, c'était un de ses atouts qu'il avait. Il était capable de faire une bonne première passe, là. Il n'est pas capable pendant tout. Il la donne à l'autre club. Ben, il joue avec Gilbert. Là. Non, c'est. Habituellement, il joue avec Gilbert. Ouais, mais c'est pas Gilbert qui va faire la passe à sa place, c'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait parce que Gilbert, si tu as remarqué, là, Gilbert, il joue avec Beaulieu. Ouais, mais j'ai des stats justement. Il y a pas pour justifier ça. Ben, vas-y, JF, tu sors tes stats, on parle du Canadien. Gilbert, il passe tout le temps le puck. À Beaulieu, quand c'est le temps de faire une sortie de zone, Beaulieu il repasse des fois, puis Beaulieu il repasse à Gilbert, puis Gilbert il redonne encore. T'sais, tu vois qu'il est pas confiant à faire une sortie de zone. Hey, pendant que GF cherche ses stats, on va faire quelque chose. Il y a des colonnes. Toi, ouais, GF est comme des graphiques. Non, mais on va faire quelque chose. Parce qu'on avait juste une question du public cette oui. semaine. Fait que je propose qu'on fasse quelque chose qui se fait jamais, des tirs de barrage en pleine game, là, comme ça. C'est Jerry Godbout qui veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec Tenordi. Fait que rapidement, on fait quoi avec Tenordi? Ben, Tenordi, je comprends pas. Ben, écoute, la question, je... Ben, jusqu'à preuve du contraire, il a sa place à Montréal. Ouais, on va... Ben, moi, je suis patient avec ça. C'est ouais. ça, exactement, t'as pas le choix. Je suis patient, là, c'est... Idéalement, tu veux comme l'élever dans ton club, puis tu veux le voir, tu sais, comme arriver à maturité dans ton club. Ben, tu veux pas l'échanger, tu veux garder ton produit chez vous, tu l'as choisi. C'est un peu comme Nathan Beaulieu, il a fallu qu'on lui laisse le temps aussi de se placer, puis check que ça donne, là, présentement. Pis Nathan Beaulieu, moi, j'étais le premier à le dire, là, avant qu'il soit comme pas mal plus... T'sais, comme qui est là. Consistant. Là, uh-huh. Ben, moi, je me disais, là, comme, ce gars-là, Nathan Beaulieu, va servir comme un trade bait. Là. Oh, finalement, genre, moi, là, j'aurais pas, pu, le Beaulieu. Puis là, Chris, on le regarde jouer. Il s'est stabilisé avec Gunchar, là, qui est malheureusement blessé. Là. Ouais, autre blessure, Il s'est bien comme stabilisé avec Gunchar. Il a fait sa place. Le duo marche bien. Ça l'a aidé, je pense, d'avoir un vétéran pour jouer avec Beaulieu. Ben, Red, il prend de l'expérience à chaque game. Tenordi n'a pas eu cette chance-là, je crois. Là. Ben, Tenordi, c'est parce que... Mais t'as rien l'a dit, il n'y a pas longtemps. La Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement. Il a raison, parce qu'il faut gagner des games. C'est sûr, mais peut-être qu'il va prendre la coche. On va le voir. On va le voir, mais ça va être le temps. Fait que pour répondre à Jerry, c'est que... C'est dur de se faire une idée parce qu'on ne l'a pas vu tant que ça encore, Tenordi. Ben, dans le fond, la question aussi, je pense, où ce qu'il veut emmener, là, c'est que mettons là, qu'on a la chance de mettre la main sur le joueur. Okay? Mettons là, le gars qu'on veut, qu'on rêve. T'échanges-tu Yemlin ou t'échanges Tenordi? Je change. Moi, personnellement, Yemlin, il est capable de faire la job. Il a son poste assuré dans l'alignement. Puis il a la. Tu sais, il l'a, là. Il est correct, là. Il l'a. Il fait bien ce qu'il fait. Il a besoin d'être entouré par d'autres mondes autour de lui. Parce que là, il joue un rôle trop important, moi, je trouve, pour son talent. Peut-être qu'il serait mieux de jouer avec un autre coéquipier. Avec un esti de bon défenseur avec lui. Parle avec un bon défenseur, puis il peut faire sa job de fesser le monde. Là, les grosses mises en échec, là, puis bah, fermer la porte. Là, Chris, ça va bien aller là, pour lui. Là. C'est ça, parce que s'il sort du jeu, ça prendra un défenseur qui est capable de se replier puis pourrait contrôler la rondelle. C'est ça avec tes stages JF que t'avais. Là. Ouais. Moi, dans le fond, c'est des contributions offensives des défenseurs à force égale des 25 derniers games. Fait que dans le fond, on voit un peu là, ce que ça donne. T'sais, un défenseur, le but, c'est lui qui comme part le jeu. Là. Le meilleur défenseur, sans aucun doute, là, c'est Piqué Subban. On le voit dans sa relance là, que c'est lui qui est le plus fort, des entrées de zone surtout. Après ça, on y va avec Markov, qui est troisième. Puis c'est normal parce que dans le fond, il joue avec Subban. Fait que Subban, c'est lui qui rentre dans zone. Le deuxième, c'est Nathan Beaulieu. Gilbert, dans le fond, là, c'est juste dégueulasse. Puis même Gunchar, je te dirais, Gunchar, là, au niveau de ses chances de marquer, là, c'est genre 0.01. Ben, il tire souvent à côté du net, Gunchar. Puis, c'est une de ses affaires, c'est qu'il tire souvent dans la bande. Là. Moi, dans le fond, ce que je serais à l'aise de voir pour les playoffs, si on garde Yemlin, c'est de downgrader Gunchar avec Yemlin. Ça me dérangerait pas. Je pense que, tu sais, qu'on parlait de jouer avec un défenseur qui est capable de comme garder la rondelle, être intelligent, ça ferait la job. Donc, ça nous prend un défenseur droitier pour pouvoir jouer avec Beaulieu. Ça, c'est Bergevin, là, qui se pogne le doigt avec les doigts dans les notes. Qui se pogne le doigt. Puis, j'ai fait rassembler dans ses insultes. Yemlin, dans le fond, pour étiqueter ce type de joueur-là, c'est pas le. Il est pas défenseur pour les relances et les entrées de zone. Fait qu'il faut que tu le mettes avec un gars qui va justement faire ce job-là. Ah oui, c'est sûr. Faire. Mais c'est parce qu'un gars comme Yemlin, là, ça t'en prend un. Mais t'es une Nordy, ça peut-tu être lui? Ça t'en prend un, ça t'en prend un bon? On le sait pas si t'es Nordy, ça on peut le sait être pas, lui. Puis on le saura pas si on lui laisse pas la chance de jouer. Fait que Chris, parce que faut se prendre des belles affaires en bas, là aussi. Je pense que ça peut être un Yemlin. Puis après ça, c'est au niveau, si vous êtes intéressé, contribution offensive des attaquants à force égale. Fait que c'est sûr que les meilleurs, c'est Pacioretty, Gallagher, Galchenyuk. Plekanec est cinquième à égalité avec Iris Sekatch, qui est surprenant parce que Sekatch, il joue sa troisième ligne avec l'autre cave. Puis, si c'est le seul cas de patiner. Si je vois à la fin, mettons, les moins bons des 25 derniers games, c'est sûr que Adrigetto et Delarose, je les compte pas parce qu'ils ont joué une coupe de games. Il faut leur donner leur chance. Après ça, Lars Seller, il est pire que Malhotra. Tabarnak! C'est vraiment grave. Puis après ça, ce qui me surprend le plus, ce qui est surprenant, là, malheureusement pour GF, c'est que Desharnais est juste en avant d'Eller. C'est surprenant quand même. Je m'en calais, ça nous fait gagner des games, Desharnais. C'est ça. Ben, c'est ça que je trouve surprenant, dans le fond, au niveau des chances c'est de marquer. C'est bizarre, pareil, là, mais... C'est ça que je comprends pas au niveau de cette stats-là. Mais dans le fond, c'est parce que c'est Pacioretty qui dirige la ligne, d'après ce que je peux comprendre. Parce que c'est lui comme on dit tantôt, on enlève Desharnais avec Pacioretty, puis... Ben, les entrées de zone, dernier, il est plus fort. Là, mais dans le pays des pires, c'est Lars Eller puis Malhotra, ce qui est complètement dégueulasse. Et puis, on passe à la prochaine chose. Fait qu'on parlait de la blessure d'Ameline. Bon, il y a la blessure à Gunshar aussi. Les papilles, s'est fait mal. Là. Fait rentrer dans la bande face première. Un petit check cochon, là, à part de ça. Blessure au haut du corps. Lui, on n'a aucune donnée sur sa blessure. Ah, apparemment, pense, peut-être sa semaine prochaine. Apparemment. Qui reviendrait, selon ce que Rewarablate veut dire. OK. Check. Fait que, bon, ben, deux blessures à des défenseurs, ça nous amène à une surutilisation de Subban. On va en parler un peu parce que Subban joue des 35 minutes par game, puis il est blessé au pied en ce moment, Subban. Là, ouais, là, c'est pas facile là, pour lui. Là. J'ai peur que ça nous alors, affecte. C'est pas facile. Alors. Non, mais justement, serais-tu bon de le débarquer de l'alignement, Subban, un peu? Puis, Ben non. De façon hypothétique, là, je vous en parle. Ah, comme baisser son temps de glace. Ouais, parce que faut, son pied, s'il est blessé, il risque de se blesser encore plus s'il joue dessus. Ça doit être un esti de prune de Mongol. Là, pis, je pensais qu'on était parti pour ça. Man. Non, mais il porte un bas spécial. J'avais vu une photo sur Twitter. Un petit chausson. Ouais, ouais. C'est comme un chausson. Ben regarde ça au chaud. C'est genre un bas collant. Tu sais. Mais, un bas de rétention comme une grand-mère. Ce qui me surprend, c'est que dans le fond, des bas culottes. En première période, Subban et Markov ils ont joué à peu près 6-7 minutes en première période. Puis en deuxième puis troisième période, quand on s'est mis à tirer de l'arrière, là, Bergevin, il n'a pas eu le choix de les mettre sur la glace parce que c'est eux qui relancent le plus l'attaque. Beaulieu a joué 25 minutes. Si on veut que Subban joue moins, il faudrait qu'on commence par marquer des buts puis prendre l'avance dans le game. Ouais, parce que tu sais, 35 minutes par game, c'est ben trop pour Subban. Ça n'a pas d'allure. Surtout quand il a mal aux pieds. Là. Je pensais qu'il a dit surtout pour mal au tra, mais. Surtout quand il a mal au tra. Ouais, j'aurais pu dire ça. Mais, mais la game de 35 minutes, là, c'est. Ouais, c'est la game. Il a joué à peu près ça. Il a joué 33 minutes, 32 minutes, quelque chose de même. Ouais. Avec le pied enflé, Chris. Il était pas à l'aise. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on n'est pas capable de garder une avance comme du monde. Ouais, mais il a pas fait de ses meilleurs éléments à la glace. Terrien, il fait ce qu'il peut avec les joueurs qu'il y a. Ben ouais. Bergevin, pendant ce temps-là, il compte des jokes à ses collègues de travail, Chris. Ouais. Non, je vais me garder ma frustration pour tantôt. De toute façon, firebergevin.com. Non, c'est pas ça que je dis. Ben, je fais juste te dire que ce gars-là, là, tabarnak, il n'est pas capable de closer un deal. En tout cas, juste pour venir à Subban, là, gars. Chris, dimanche, il joue pas, ben il se reposera là, c'est gars. Gars, mais dans un petit bloc de glace, ton pied. Ben Chris, gars, mets-toi là. Va chercher là, l'affaire de Guy Lafleur, là, le turbo booster. Là. L'affaire que tu mets des pieds dessus qui te fait aller les cheveux. Là. La journée qu'on va gagner 3-4-0. C'est ça, la journée qu'on va mener 3-4-0 après deux périodes, Subban va pouvoir relaxer un peu en troisième période, mais pour le moment, c'est pas le cas du tout. La journée qu'on va mener 3-4-0 après deux périodes. C'est pas demain la veille. C'est sûr. Fait Michel Chartrand. Parce que Bergevin, esti, t'attends après quoi? Il attend après quoi pour améliorer le club, esti? Il attend-tu que le prix baisse? Chris, c'est pas Target, la Ligue nationale, tabarnak. Ben, non, Target, ça baisse même pas, tabarnak. Même, en plus, il y a même pas de deal. En même temps, t'sais, avez-vous les joueurs disponibles? Ça baisse pas la ferme. Non, mais c'est parce que ça a l'air... Ça fait, dans le fond, les journalistes, ils m'ont fait chier un peu parce que c'est des équipes qui s'étaient... Ben oui, Chris, c'est sûr. Ils nous disent, Pierre le Brun, Bob McKenzie, Darren Jagger, puis tous les autres sans dessin à TVA Sport. Madame Jagger. Ah, Bergevin est au téléphone, il travaille oui, fort. Oui, c'est sûr. He wants to make a hockey Chris, deal. Les journalistes, Bergevin, ils se mouchent, puis les journalistes sortent une nouvelle rumeur. Ah, oui. Bergevin voudrait engager un Kleenex. C'est ça, mais ça m'agace, puis j'ai pas confiance à ce que je vois là pour les playoffs. Malgré tout, les Canadiens trouvent toujours le moyen de gagner, ou à peu près, sauf quand Tokarski est dans les nets, ça a l'air. Puis ça aussi, dans le fond, la raison est bien simple. Effectivement. Je pense que Terrien fait un bon job avec ce que pas. Tu dis là. Puis une autre affaire aussi, sacrament. Le bon, monde surtout. Sacrament, Suzy. Ouais, non, mais calice, les gars. Ceux qui blâment Terrien sur Twitter, qui disent Terrien, c'est un ci, Terrien, c'est un ça. Terrien, je te reproche, tu gagnes tout le temps. Non, mais sacrament, asti, le gars, il fait ce qu'il peut avec le gars, le staff qu'il a. Vraiment, là, c'est surprenant. Fait que le monde qui te blâme et qui veut changer de coach, con qui tu veux le remplacer, sacrament? Sylvain Lefebvre? Non, mais vraiment, là, sérieux, Terrien. Asti, c'est du quoi? Chris, tu peux le remplacer, certain? Moi, Terrien? Ben non, je non, le ferai non, pas, non, non, pas toi, Chris. Non, non, reste dans les chars, toi. Non, je parle, asti, de Mike Babcock! Non, parce que... Mike the Bad à Cook. À cause des caves comme Quentin, tu peux pas avoir un coach francophone parce que t'as des hosties sans dessin ici au Québec qui parlent pas un crisse de mots anglais. Fait qu'ils comprendront pas un crisse de mots de ces conférences mais de presse. Ça, là. Ouais, mais ça, Malotte, là. C'est-tu quoi, au pire, le monde? C'est le même là, monde qu'aimait Philippe Allou quand il coachait les expos. C'est moi. Le style de ligue d'Allopolis. Part! This is not fucking baseball! Mon son qui dans part le fond, pas, là, dans le fond, Malotte, style monde, là, au pire, là, c'est un Babcock, là. C'est-tu qu'est-ce que je fais? Tu calisses les sous-titres sur la TV, hostie. Et ben, voilà. Comme qu'ils font RDS, des sous-titres qui n'ont même pas rapport à ce que le gars il dit. C'est comme si tu regardais un film japonais. Traduit. Ce qu'il va faire, qu'il fasse un sous-titre traduit. Il parle de même, là. Ouais, l'autre jour, j'ai... Tu sais, c'est stupide, là. Ça, non, c'est un excellent moment de podcast. Je niaise pour Babcock, mais... Mike Babcock. T'as rien, il est bien correct, là. Mais ça, c'est surtout la population anglophone, je pense. Puis ça, ça venait non, surtout... Non, je te jure qu'il y a beaucoup de francophones qui détestent rien pour... On parlera pas de terrien. C'est ça que je dis. Non, mais le monde... C'est pour ça que je call out le monde qui dit qu'il fait pas de bonne job. Donnez-moi des arguments pour me prouver que terrien fait pas une bonne job, Chris. Ouais, mais ça, ça fait longtemps. C'est l'année passée, ça, là, là par exemple. Non, ça non, encore cette année, je te jure, quand je regarde ça, je suis capable de bien raide. Il y a plusieurs trous dans mon mur chez nous. Non, mais c'est parce que... on va couper ce coup. Non, fais attention, on fait pas une voix énorme. On le crisse dehors, puis amène-moi Bruce Boudreau. Non, mais pour vrai, là, l'année passée, là, t'as rien, ce qui faisait chier le monde, là, c'est parce qu'il benchait sous... Ben, il soyait Souben au bout du banc quand il arrivait de quoi. Là, il le fait pas cette année, parce qu'il a signé son contrat de 9 millions. Là. Fait que là, il le fait plus. Il fait plus ça parce que là, il se dit « Ah non, là, ça serait pas correct, je peux pas le faire, il gagne trop cher. Ben c'est mon number one, là, tu sais. » Mais, en tout cas. Mais il finit toujours par avoir des résultats, puis ça gagne. Non, mais c'est un gambler, man. C'est un gambler, il fait tant des gambles, puis il gagne tout le temps. J'aime pas le terme gambler, parce que gambler, c'est que tu prends des chances. Je pense que le gars, il prend des chances. Il s'en estit qu'est-ce qu'il fait. On pense qu'il prend des chances, mais dans le fond, il s'en estit c'est quoi qu'il y a entre les mains, là. Ouais, parce que si tu prends des chances, là, ça me semble que c'est dangereux, non? Ouais, mais les. Oui. On va finir sur Bergevin. Dave nous envoie une information par message texte. Il dit que même 25 Stanley sortent des rumeurs sur Bergevin. Cette semaine, ils ont sorti un ab spotted. Qui ont spoté Bergevin. Bergevin n'était même pas sa photo. C'était comme son char à Bergevin ou un char en général. Calice! 25 Stanley, vous pouvez même manger pain tabarnak. Défoule-toi, JF. Non, j'ai pas le goût de jouer, regarder ça pour tantôt. Là. Mais là, l'affaire est finie, puis la game à la télévision qu'on écoutait est terminée aussi. C'est la classique hivernale contre les Oilers d'Edmonton. T'as peu, là, c'est le moment de. Alors, nous sommes maintenant revenus dans le moment menu du CD. Oui, on est dans le menu du CD. On a vu la fin de la game avec Théo qui lève les bras dans les airs avec sa tuque. Et puis, ça m'amène à mon point que je voulais qu'on parle avant d'aller en entracte, parce qu'Alexandre a une petite coche à péter, je pense, sur Théodore. Merci. Théodore qui parle contre Price présentement. Théo, je commençais en disant, fais donc ta gueule, Théo, là, mais vas-y donc, Alexandre. Là, tu vas payer au cash, mon gars. Tu vas payer au cash. Tu vas payer débit, mon hostie. Je vais même enlever mon micro du stand, tabarnak. Hey, pogne-les, man, comme Jean-Pascal. À chaque fois que tu veux Jean-Pascal, tu es sur le bord de renverser une bière, man. Est-ce que je vais pas péter? Oui, maman, je suis là pour ta maman. Vas-y, man, vas-y. Non, mais Théo, là... Ah, c'est par où commencer? Du début. Premièrement, là. Jeff, il a déjà dit ça. De quelqu'un, je me souviens plus de qui il parlait. Mais Chris, ton linge, il est laid à TV, Théo. En partant. Je pense qu'il parlait de Théo. Ton linge, il est laid. Il parlait de Théo, il dit ça. Ah, ben, t'avais raison aussi. Call out, props de call out. Yeah. Théo, t'es pas dans son laid à TV. Toi, là, Théo, là, tu te prends-tu pour le goaler qui a gagné la. L'histoire, le meilleur goaler de l'histoire de l'humanité, Calvert, a été juste un petit trou de cul qui a gagné le Hart, t'as gagné le Vezina. T'as joué dans les boys. T'as-tu gagné le trophée? T'as-tu gagné la coupe? Non. Ferme donc ta gueule. Arrête de te penser pour le meilleur goaler du monde. Quand tu dis que Price, là, il peut se permettre de mettre ta tuque, t'es qui, toi, calice? Ferme donc ta gueule. La tuque, là. Tu peux bien te la sortir du cul, là. Sûr il va la mettre sur sa là, tête. C'est sûr qu'il a plus cette truc-là. Puis là, tes hosties de chronique de merde sur Journal de Montréal, là. Ouais, c'est surtout ça le point, je pense, en fait. Là. Tu peux-tu juste fermer ta gueule? Parce que quand t'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Hey, moi, c'est chronique qui dit ouais, il y a personne ici qui va. Qui est placé pour gagner le Vezina ou le Hart. Personne n'est placé pour être meilleur goaler. Moi, j'ai été le meilleur goaler là, depuis longtemps. Là, c'est moi. Puis vous êtes toute la merde. Il a dit l'autre fois, Price, c'est notre goaler le plus dominant depuis 2002. On a eu personne. C'était lui en 2002, Calis. Il fait juste se mettre en valeur à travers Price. Puis Théo, quand t'as gagné Hart et le Vizina, là, t'as gagné 36 games dans ta saison. Là. 32. Steve Price, il t'a déjà battu. Tu peux-tu juste fermer ta gueule? Je pense que Price a des meilleurs stats que Théo quand il a gagné en ce moment. Il a nettement des meilleurs stats. Fait que Théo, là, mangeons de la crise. Ouais, mais c'est deux époques que tu peux pas comparer. La game a changé, les gars. La game a changé. Réjean Rousse a même pu me fourrer par Fabienne. La game a changé. Ouais, dans, non, donc, c'est déjà fait fourrer par Fabienne. Ben ouais, les strap-on. Les strap pour les sados. Là. Mais pas pour les sados. Strap-on, strap-out, the strapper. Dans ce temps-là, Théo, quand il sortait d'un bar, c'était Hey, I'm Tudor, bitch, show me your titties! Là, ça marche plus. Là. Alors, sur ça, on va aller faire une deuxième entraque et on vous revient pour la troisième période avec Around the NHL. C'est un style de volant, Hey, I'm Tudor, bitch, show me your titties! On est de retour pour la troisième période. Ah oh, ouais. Oh que oui! Et c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale! Around the NHL. Alors, pour la Ligue nationale cette semaine. JF, il est primé, il flatte déjà son point. On s'en calisse! Avant de commencer ce segment-là, parlons un petit peu de Malcolm Subban. JF, tu voulais qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, il joue sa première game contre les Blues. Puis Malcolm Subban, c'est un frère de Piqué Subban. C'est un goaler. Ouais, il t'arrête de se faire torcher en ce moment. Oui. Après deux périodes, c'est 4-1 Saint-Louis. Premièrement, j'aimerais féliciter les Blues de Boston pour être cave parce qu'il aurait pu jouer contre Edmonton, ce qui aurait été peut-être plus facile pour l'aider à intégrer la Ligue nationale. Puis ils l'ont mis contre les Blues de Saint-Louis qui est une puissance dans l'Ouest. Une puissance. Ouais. Donc, comment tu l'as dit? Ben, c'est ça. Une puissance. Ouais, c'est facile d'en prendre le monde de même. Je trouve ça malheureux parce que là, d'après toi, c'est quoi les commentaires qui vont sortir à Boston après la défaite? Ah, et les gars, je vais te dire. Ah, il est pas prêt. Ah, oh, c'est un mauvais pic. On n'aurait pas dû le prendre lui. Ah, oh, dans le fond. C'est ça. Ils ont-tu vu cette voix-là à Boston? Oui, oui, ça, c'est la voix à troisième période. troisième personne d'un fan. Ah, ouais, mais là, Subban. Non, je veux juste faire une parenthèse. Ça, c'était vraiment très drôle parce que Larac, quand il contait une histoire dans le vestiaire où il parlait à un journaliste, dans le temps qu'il jouait encore, OK, des fois, il parlait à la troisième personne. Tu sais, une voix de troisième personne quand ça raconte une histoire. Ah non, t'es pas sérieux. Puis il parlait avec une petite voix comme ça. Ouais, mais là, ils disent que moi. Puis il parlait de même pour vrai. Puis là, il parle. Ben, tu sais, moi, dans le fond, je joue ma game. Mais le monde, ils disent oh, Larac, il gagne pas. Il parlait avec une petite voix aiguë de même. J'étais comme Non. Il va falloir que j'essaie de trouver ça. Fais pas ça, man. Hey, je te dis, je l'ai entendu souvent, là. En tout cas. Peut bien qu'il mange des graines. Fait que Malcolm Subban, là, c'est-tu... Non, mais il est végétarien, il mange des graines. Ouais, mange des graines. De tournesol. Tu sais, c'est sûr, quand il arrive dans ta face, tu peux bien manger des graines, il arrive en un truc de tournesol. Alors, pendant qu'on voit Mike Ribeiro à l'écran en ce moment, en direct, des beaux souvenirs. Mike Ribeiro qu'on va jaser tantôt, sûrement, dans un... Bye. À propos d'un échange avec Heller puis Yakupov aussi là. Ribeiro a été inclus dans le trio là. Ça c'est le segment Coco. Alors les nouveaux segments, les segments Coco et les segments on s'en calisse, il va en avoir un tantôt à Run the NHL. Alors commençons ça avec un peu de joie parce qu'il y a eu deux décès les dernières semaines. Commençons par Claude Piton-Ruel qui est décédé. Un ancien coach du Canadien. Alors, on t'écoute, Piton. Alors, ben merci, Piton. On a fait des recherches à savoir pourquoi Claude Ruel s'appelait Piton. C'est parce qu'il y avait une grosse tétine dans le cou. Puis là... Puis je pense que c'est ça pour vrai, le pain. Sérieusement. C'est ça qu'un vieux gars à qui je travaillais m'a dit. Ah ouais, c'est ça. C'est là qu'on dans le fond, ça doit être vrai. Il y avait eu d'autres raisons, je pense, mais c'est celle que je préfère, de loin. Là. C'est-tu un mot dans les autres raisons? Alex, le prof, c'est-tu un mot, ça, pitonnerie? Pitonnerie. C'était un prof de Dieu. JF, tu veux pas y aller la Rousse 97 qui est en arrière, là, c'est tout ben, les pitonneries, là, mais je pense pas. Dans quelles circonstances? Ouais, Régent Tremblay, il a dit oh, on avait bien Claude avec ses pitonneries. Ça, c'est Régent Tremblay qui a Je te dirais non, là, vite de même, puis puis même lentement de même, non. Donc, ça confirme que Python, c'est pas rapport avec l'expression, mais ça a plus rapport avec le mole qu'il y avait dans le cou, genre. Ouais, très sûr. Ah, c'est clair, puis on va le dire, là, un mole, là, puis c'est... Tu sais, c'était pas un acrocordon. C'était vraiment un nasty chunk. C'était là, pas Dr. Scholes qui a enlevé ça. Ah, non. Le seul qui aurait pas ça avec une crème. Là. Le seul qui aurait pu y enlever ce piton-là, c'est Dr. Otkar, je pense. Là. Mais ça, c'est la pizza. Tabarnak, what the fuck? Ouais, mais moi, je vais dire, quand je le regardais, je l'appelais plus comme Dr. Holker. Et voilà, alors check, ça aurait été dit. Bon, je pense que c'est, ça fait le tour de Claude Ruel. Bien, oui, je pense que nous avons. Repose en paix. Repose en paix, Claude Ruel, en pointant le cotex au plafond. Puis repose en plaie. Repose en ma plaie, Claude Ruel. Hey, un peu de respect, là, OK? C'est pas un cotex, c'est un Stéphie Primo. Double épaisseur. Bon, puis il y a eu un autre décès dans la ligue. Steve Montador qui est décédé. Ça, c'est un petit peu plus bizarre que Claude Ruel, là. C'est un suicide. Non, mais la paix, c'est que je suis sûr que oui. Ah, faut pas rire de ça, mais... Comment aborder... Comment aborder le sujet de façon délicate? T'es un suicide. Merci, Mart. Je suis sûr qu'il aurait aimé qu'on en parle de même, par exemple. Pour vrai. Alors, ben, tu veux te chez Braille. Là. J'ai aucune information là-dessus, à part que sa blonde a accouché hier. Ouais, trois jours après. Ouais, c'est assez... Ça t'enlève le goût de faire des jokes, là. Mais... Ben, c'est comme si elle suit son gars, t'as pas à lui. Il sortit, c'est se mord les joues. Non, j'ai vraiment plus le goût. Mais... Mais... T'as qui ça, Steve Montador, à la lumière de tout ça? C'est un défenseur. Mais non, mais t'as un peu juste un affaire. Ça, j'avais pas pour sa blonde, tout ça. Ouais, j'ai vu ça cette semaine passée, là, ouais. À la lumière de tout ça, ce que ça me dit, c'est qu'il était pas prêt. Ben, ça peut être... Ça peut être ça, mais non, ça a l'air que le gars, il se battait souvent puis qu'il a mangé plusieurs coups à la tête. Ça, c'est, un autre, c'est un autre cas de commotion cérébrale. Ben ouais. Si je bave, aussi commotion. Ça aussi, c'est des commotions. Je me suis fait commotionner. Non, mais... Mais c'est un autre cas de commotion. Ouais, mais c'est ça qui arrive. Il vire en dépression ou en consommation puis que tu le sais pas que... S'il n'y avait pas eu de commotion, tu ne sais pas si ça aurait tourné de même, mais ça avait... En tout cas, bref. Tout dépendant, le degré de commotion. La syntaxe, on s'en calait, ce rendu-là. Mais... On n'est pas une virgule près. Non. Mais ça a pas dû aider, puis c'est comme un peu récurrent ces dernières années, suite à des commotions, que ces genres de tragédies-là arrivent. Ben, suite à des commotions, ouais, mais t'as un peu suite à ta consommation de qu'est-ce que tu prends pour pas souffrir de ta commotion. Ben, c'est indirectement lié à ta ouais, commotion. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai, dans le fond, hostie, dans le fond. Okay, mais ben, puis tu sais, faut les. C'est correct, là. Depuis quelques années, la Ligue s'en va dans le bon sens, s'en va les commotions, tu sais. Ben, je sais pas, là. Ils suspendent pas tant que ça non plus. Non, non, mais je veux dire, le protocole, quand il y a un coup à la tête, tout ça, là. C'est plus sévère à cette heure. Si tu sais compter jusqu'à 3, tu peux aller jouer sur la glace, parce que ouais, c'est déjà Chris, ça. Là. Non, non, mais c'est déjà mieux qu'avant qu'ils se prenaient un sniff de d'arsenic. Puis non, non, à cette heure, ils sortent, là, puis ils ont un examen à faire sur un ordinateur, là. T'sais, ils ont un test là, à passer, là, il faut qu'ils pitonnent, puis il faut ça prend du temps, dans le fond. Ben oui, Chris, ça prend du temps. Non, mais c'est ça, c'est correct, parce que dans le fond... Ce test-là, ils le font passer à jeun, ils te le font passer comme... Ben, à jeun, je veux dire, quand t'es super sans commotion, là. Puis t'as un timing à lequel que t'es capable de répondre à ces questions-là, puis interagir avec ce test-là. Puis quand t'es avec une commotion, c'est quand... T'es comme pas capable de pitonner, ils font comme ok, t'es clairement en commotion. Il y a un micro aussi pour savoir si tu fais les. Ouais, non. Puis il y a une napkin, hein, tout genre. Mais bon, genre. L'ordinateur, il joue-tu à des mineurs, genre, pour être sûr. Non, c'est Tetris. Ouais, stick la toune, juste avec la toune, j'ai une commotion. Ok. Bon, en tout cas, de toute façon, Montador, c'est plate, mais c'est. Moi. T'es un goon, ça? Moi, je suis suspect. Ouais. C'est pas un goon, Montador. Ben oui, il s'est battu à plusieurs reprises. Ouais. Il a mangé plusieurs coups derrière la tête. Je pensais que c'était des commotions qu'il y avait eu. J'aime ça en rien, là, c'est frivole de même, là. Il mangeait bien un coup derrière la tête. Non, ben oui, mais Chris Mark, il a dit genre, oh, c'est un suicide. C'est sûr. Non, c'est peut-être pas un suicide, mais c'est probablement, comme lui, il devait être ses painkillers au fond. Ah ouais. C'est un overdose. C'est ça, puis il jouait pas au hockey, il s'ennuyait. Ouais, il était en dépression sévère, sûrement. Hey, on est là, on est en train comme de faire. On est deep. Ben oui, réponse à la paix, Montador. On fait son procès. Ouais, gars, là, Montador, man. Un autre pour qui je vais pointer le cotex. C'est bon, Jack. Sérieusement, ceux-là qui partent, c'est tout, c'est poche. Dave, il dit, j'ai dit de l'arsenic. Je voulais dire de l'ammoniaque. Mais Chris, on n'est pas assis à une substance près, là. Dave, là, Chris. Ça reste de la chimie, là. Comme toute ta blonde, faut qu'elle expulse. Ouais, là. Dave, asti. Provoque-la, calice. Ouais. Dizzy, t'es pas game d'accoucher, asti. Ah ouais. Ben, c'est foutu faire, c'est un accouchement à l'italienne, grippin. C'est-à-dire? Ben. Tu mets de la musique douce. Bon, alors, petite nouvelle comme ça. Et nous... comme un. Genre le screen color test, là. Oui, oui, oui, avec les bars. Là, oui, pourquoi pas. L'Indien à télé aussi, tant qu'à ça, tu sais, tant qu'à sortir des affaires par rapport. Là. L'Indien de Lakota. OK, alors on va troisième période, hein. Se diriger du côté de Philadelphie, messieurs. Ça ne s'améliore jamais. Pélé. Oui. Éric Desjardins qui a été intronisé au temple de la renommée des Flyers. Pélé. Cette tourette, là. Donc, ouais, ben Éric Desjardins. On s'en calisse. Ah, ben non, on s'en calisse pas. Il a fait gagner une Coupe Stanley à Montréal. Ouais, ben trick, ben, il a été félicité à Philadelphie. Il a dit que ça crissait de Montréal. Desjardins, il a dit ça? Non, il a pas dit que ça crissait, mais il a dit que c'est ses meilleures années. Là, c'était c'est nettement as a Flyer. Puis, tu sais, lui, lui, Montréal, là, c'est comme... T'es en train de me dire qu'il y a eu plus de fun avec les Flyers que gagner la Coupe à Montréal. Ah, mais il a fondé sa famille là-bas? Il a dit ça, il a dit que Philadelphie... Il a gagné la coupe à Montréal, il a compté 3 buts en prolongation pendant le deuxième match contre les Kings de Los Angeles. 3 buts en prolongation, là, faut le faire. Hey, il était rapide, aussi, non? Pau, pau, pau, Chris, hot trick, man, en prolong. Non, mais... Mais ouais, il a dit mais ça. Non, dans la finale, la Coupe Stanley, asti, il a eu ses 3 buts. Ben ouais, c'est ça, il a compté 3 buts pendant le deuxième match, là. C'est le deuxième match, je sais pas, dans le dernier match? Non, c'est dans le deuxième match. Ah non, dans le dernier match, il a fini avec McSorley, c'est vrai. C'est ça. Le bâton. Non, mais non, qui mange la merde, qui reste dessus, c'est un peu de fun de la fête. C'est ça, c'est pour ça que je dis qu'on s'en gagne. Reste là-bas, on va chier. Bon, fait que, ben, c'est ben là, moi, j'ai pas fini ça de même, asti, là. Chris, il nous a donné une Coupe Stanley. Bravo, Rick. Ben oui, mais il t'a dit, j'ai eu plus de fun à Philadelphie. Il a le droit, il a le droit à Mallette, là. Moi, je le prends personnel. Puis Mallette, il a le droit de l'envoyer chier. Ouais, ouais. C'est dans ses doigts. Tu prends défense à Mallette à cette heure, asti, galé. Hey, Desjardins, c'est pas lui qui avait le C, puis se l'est fait enlever parce qu'il il s'est pas fait enlever le C à un moment donné, Desjardins. Ben non. OK. Alors, je regardais à Wikipédia, mais je suis certain qu'il s'est fait enlever le C à un moment donné. Pourquoi? Parce que ça allait pas bien à Philadelphie. Oh, à Philadelphie, tu parles, asti. À Montréal, il a jamais eu le C. Il a jamais eu le C à Montréal. C'est un défenseur. Hey, je le sais. Qui a compté 3 buts en progression. Ici. Voilà. Oh, là, c'est en carré, hein? Ah, hey, hey, vaudeville. Hey, oh, ciel, mon mari. Bon, Moi, j'ai toujours pas eu d'expression encore, là. J'étais un peu déçu. En troisième période, ouais, là. J'essaye, là, mais gars, ça vient pas. Là. Alors, maintenant qu'on est dans Run NHL, on va aller dans une sous-section. J'aimerais que tu fasses ton plécanique puis scorer dans les bons temps, là. Allez, top corner. Alors, allons-y avec la sous-section hashtag on s'en calisse. Vincent Lecavalier, 19 games sans scorer. On s'en calisse. Bravo Vinny, t'es un excellent joueur en ce moment. Ouais. Check, voilà, c'est fait. Ben, je l'ai dit ça, Chris, mauvaise organisation pour lui. Oh, ça marche pas, tabarnak. Flyers puis Lecavalier, que c'est ça. Il arrive d'une équipe qui est un du punch en attaque, puis là, il arrive d'une équipe qui est supposé être joué comme la petite tough parce que Philadelphie a encore cette culture de hockey-là d'être une équipe robuste, tough, puis du grit, puis il fit pas là-dedans, c'est-tu. Non, c'est pour ça que le coach s'est fait mettre. Pas le coach, mais le DG s'est fait mettre dehors. Mais lui, il en a signé des navettes, tabarnak. Il a signé Brière, il a signé lui. Mais ils n'ont pas été mardeux. Hostie. Ils ont perdu eux autres Pronger, puis ça a mal été leurs affaires. Là. Ouais, Pronger. Ils sont en reconstruction. Hostie. Pronger, il a quoi? Il a mal au cou. Il a mal au mantra. Hey, GF, son nom, les tweets de Hockey Insider que t'as sorti cette semaine, t'as retweeté hier, je pense. Bien sûr. Pendant qu'on est dans la section, on s'en calisse, là, ce serait le temps de les sortir parce que Hockey Insider, des fois. Si tu veux, en attendant que je cherche ça, on peut parler de Morgan Rielly qui a passé pour un tata aujourd'hui sans le vouloir. Qu'est-ce qu'il a fait? Après la pratique, les journalistes y ont parlé comment ça allait. Puis je vais vous le lire en anglais. Il said, positive approach, strong work ethic during tough time was key. Fait que dans le fond, il a dit, puis comment ça va l'ambiance, puis tout ça, puis il dit, you're not here to be a girl about it. Fait que toutes les féministes, esti, il était en tabarnak après lui, puis il a mangé de la merde. Il était trending, esti, sur Facebook, ça n'a pas d'allure. Sur Twitter. Ouais, c'est ça. Tu peux pas avoir un training sur Facebook, just saying. Puis ouais. Il est obligé de faire une conférence de presse pour s'excuser à la fin. Pour un tweet? Wow, OK. Pas pour un tweet, okay, pour un commentaire qui a dit un journaliste. OK, okay, t'as peu, mais Bernie, as-tu fait une conférence de presse lui, pour son affaire sur Mandela? Oui. Ben non, pas une conférence de presse. Il a commenté après une pratique, qui s'excusait parce qu'il connaissait pas Mandela. Puis lui, il a fallu qu'il fasse une conférence de presse pour dire genre que moi, je suis pas ici genre pour me comporter comme une femme. Conférence de presse à Toronto, c'était derrière le tableau Toronto, puis les journalistes étaient autour de lui, puis s'est excusé. Ouais, dans le fond, je peux dire une conférence de presse parce que ça compte. Une conférence de presse, c'est quand les journalistes se rendent. Il y a un scrum. Ben, c'est ça qui est arrivé. OK. Mais OK. Voilà. Mais admettons là, que pendant que tu cherches tes affaires, là, j'allais encore, trouver. Là, OK, ben t'as un peu. Je vais juste faire une parenthèse pour les femmes, là, OK, que. Qui nous écoutent en grand nombre. Moi, je suis très attentif à ce que Marc va dire. Là. Pour les femmes qui nous écoutent, aujourd'hui, on va parler de vagin. Non, non, non, mais sérieusement, Danica Patrick qui a donné un char de marde à je sais plus quel style de chauffeur. Puis ça a été fait. Tu sais comment, là, que les, en NASCAR, là, ils se donnent de la marde. Oh, ouais. La broque, elle ne gagne pas. Ben oui, mais là, c'est ça. Elle s'est fait sortir en pratique. Puis pendant que là, ça s'est fait genre shorter. Puis elle a perdu le contrôle, puis elle sort de son char, puis elle va donner un char de marde à celui qui l'a coupé. Elle l'a graffiné? Non, elle l'a pris par le collet même. Avec elle ses griffes? Elle l'a shaké. Non, pas avec ses griffes, parce qu'elle a son raison. C'est une très mauvaise manie. Puis elle l'a pogné par le jacket, puis le gars, là, il la traite vraiment comme une petite poule. Là. On dirait quasiment qu'ils vont se frencher. À un moment donné, là, je me disais comme, Chris ferait un beau coup, eux autres. T'as comme une scène de ménage live. Mais tout ça pour dire qu'il est féministe, il faut pas qu'il s'en prenne à lui de même pour avoir dit non, ça. Non, mais c'est un gars de 20 méchant, ans. Calice. Puis je réécoute des épisodes de l'année passée, puis des fois, je fais des commentaires dans le même genre, puis personne m'attaque, genre. Ouais, mais c'est sûr que t'es pas un joueur des Maple Leafs non plus. Genre. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné... Tellement imposant et agressif avec ton gros doigt, Jeff. Ben, hey, man, s'il fallait que tu joues pour les Maple Leafs, ça, toi, hey, tu serais dans East Coast League, man. T'aurais descendu, là. Ben non, ça fait longtemps que j'aurais lâché. Ah non, c'est un genre de Dion Phaneuf, hostie, là. Parlons pas de Dion de même. Hostie, fuck is good. Fait que vas-y, Jeff, avec ton tweet de Hockey Insider. Ouais, vas-y. Ben, pour ceux qui connaissent pas Hockey Insider, c'est un hostie de cave. C'est qui? On le sait-tu? C'est un gars qui tweet genre des rumeurs bullshit sur la Ligue nationale. Il connaît personnellement Michel Therrien. Et puis... Okay, c'est un Montréalais? Pas en tout. On sait pas c'est qui. Regarde, c'est ça son dessin. C'est un bonhomme avec un point d'intégration sur la tête. Est-ce, on dirait un serpent est-ce, qui mange le cerveau. Okay. C'est un gars qui tweet par rapport au hockey, en fait. Là, bref, qui se prend pour un insider de hockey. Là, tout oui. Ce que ça me dit ici, c'est qu'on a affaire à une graine. Et voilà! Et voilà! Et puis, ce qu'il a tweeté, c'était au mois d'octobre, en début de saison. Je vais le lire en anglais. Désolé, Renaud. « How long before Tokarski takes over the starting job in Montreal? Horrid start of the season for Price. » Donc, il dit que Price vaut pas de la merde puis que Tokarski va prendre le numéro 1 bientôt. Exactement. Et puis, deux jours, v'là deux jours, c'était quoi? C'était mercredi. Once again, Tokarski floating out there unaware where the puck is. Every time he is in net, a loss is to be expected. Fait qu'à chaque fois que Tokarski goal, il sait pas la puck est où puis ils vont perdre. Ça, c'est un gars qui trippait full à lac puis qui a toujours blasté Price. Ben, c'est un gars qui juge ça là, clairement, il juge une game puis c'est tout là. Il se magasine juste comme des tweets puis ramasser genre du monde qui le follow comme toi. Moi, je le. Non, mais honnêtement, moi, je le follow un peu comme le fait que j'écoute l'en seconde. Je trouve ça hilarant. Alors, sur ça, je vais dire une chose. On s'en calisse. Ben, il est divertissant, moi, je pense. Oui, mais prenez pas ça. Parce qu'il y a du monde qui prend ça pour du cash, mais en même temps, tu sais... Mais non, mais le monde, là, le jugement, tu sais, pour avoir là, un compte Twitter, puis Facebook, ou whatever, là, ça prend la petite cuillerée de jugement. Là. Ouais, mais ça, on n'a pas au Québec de ça. Ouais, okay. Parce que le monde écoute des émissions genre de Joël Legendre qui fait des combats de chiens qui sont fake en des faux documentaires, puis le monde y envoie des menaces de mort. Ouais. T'es dégueulasse de faire ça. Ce monde-là, ça vote, calice. Hein. Demandez-vous pas pourquoi on est pas avec des conservateurs et des hosties de libéraux au pouvoir. Oh, calme-toi, là, Jean-François. Là. On n'est pas à Josette ici, là, mais. Si, boire, on en porte une. On pourrait en partir une. On revient à taxi à soir. On sort le jack. Si, boire. Ah, non, mais je vous dis qu'éventuellement, il va en avoir une, Josette. Ce podcast mythique qui peut arriver n'importe quand, on va en refaire un autre. Tout droit un sorti d'une grotte. Ouais, ou d'un balcon à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est selon. Fait que dernier point pour Around the NHL pendant qu'il reste 2 minutes. GF, c'est là qu'on parle des échanges. Oui, dans le fond. Oui, exactement. Premièrement, dans le fond, un petit segment le fun, les gars. Y a-tu quelqu'un qui a raté? Non, c'est une illusion. C'est-tu Dave qui nous a envoyé un message? Genre? C'est le Cotex en haut qui va dire. Dans le fond, juste pour, avant de parler des rumeurs d'échange, si tu me permets, JF, je vais parler aussi des bons et des mauvais coups. Vas-y, j'ai serré ma feuille. Donc, d'un bon coup, Bergevin, il est sorti de nulle part l'année passée en cherchant un gars comme de Thomas Vanek qui a donné un choix de deuxième ronde et puis Sébastien Kolberg. Ça, c'était un bon coup. Puis en plus, ça a amené de la profondeur au club. Donc, chapeau Bergevin. Aujourd'hui, je te déteste. Ensuite, est-ce que t'es bitch, mon gars? T'es tellement. Je vais revenir sur Bergevin et crée-moi, okay, là, on va argumenter tantôt. Là. C'est comme une fille, il y a comme des feelings vraiment extrêmes. Ouais, là, des il est fou, man. Il est comme il profond, mais... il est comme dans sa semaine. Sérieusement, je là, ça lui, lui là, le Canadien, il lit vraiment ça comme un star system. Là. C'est malade. Là. Hey, écoute, quand j'étais jeune, ma grand-mère. Là... Conne! Non, mais ma grand-mère qui est au ciel aujourd'hui. Quand j'étais jeune, là, ouais, la presse, c'était des cahiers, puis le cahier sport, c'était un petit cahier. Genre tout petit, genre facile à lire. Oui. Puis quand un fascicule. Quand je me réveillais, j'allais déjeuner, mon bol de céréales était tout prêt avec mon lait puis tout. Puis quand j'avais le cahier sport, c'est une bonne grand-mère. Il était du bord, mettons, du front page, si Canadien a gagné. Puis si Canadien a perdu, elle mettait ça de l'autre bord. Ta grand-mère qui nous faisait. Une cérémonie, là. Ta grand-mère qui nous faisait de la bonne soupe aux cheveux, là. Ouais, aux cheveux avec des bines. Ok, tu l'as connu, toi. Mais oui, on se connaît depuis qu'on est vraiment très jeunes, nous autres. Ah ouais, là, au primaire, on se tenait ensemble, juste à dire. Là. Ça fait des années, là, j'en 23. J'en 23. J'étais là, moi aussi. Fan de la prairie. J'ai enseigné là, moi. Pour vrai? J'ai enseigné à Jean 23. C'est bon, ça. Jean Demers, c'est plus là. Hein. Non, Jean Demers, il est parti. Il cherche son pouce qui est revolé dans. En tout cas, on est trop rendu local. Une souffleuse, hostie. Ouais. Non, le gars, il coupait du bois avec une genre de scie mécanique. Puis, tu sais, le pouce, là, pour tenir son. Un bandit, là. Ouais, un bandit. Puis là, le pouce a passé avec la bûche. Là, puis le pouce a revolé dans une rampe d'escalier. Là. Ça, c'est la version non officielle. On avait genre 6-7 ans, puis il comptait ça. T'sais. C'est la version non officielle. Il a compté bien l'autre histoire avec son pouce. Ouais, il n'y a personne qui comprend ça. Il y a non, juste non, y a une pas aucun calice d'auditeur. C'est tellement local, ça n'a pas de sens. Là. Pour retourner... on vient à Bergevin. La prairie. Sérieuse. La prairie downtown. Ouais. Underground. Underground la prairie. Flo et tout. Là. Ah, c'est... okay, donc, dans les bons moves aussi, les Kings de Los Angeles qui ont été chercher Marianne Caboret, qui ont donné un gars comme Mad Fratin et puis un choix de deuxième ronde. Mais c'est Fratin. Fratin. Fratin, premièrement, il joue même pas dans la Ligue nationale cette année. Puis en plus, Caboret qui était avec les Kings de Los Angeles, puis ils ont gagné la Coupe Stanley. Ouais, il a fait 17 buts. Ça, c'était un bon move, genre de génie pour s'armer pour les playoffs. C'est ça, 17 buts qu'a fait Caboret? Pendant les playoffs, je pense, avec les Kings, ils en faire de même le 17 buts pendant les playoffs. Il était en feu, en tout cas, ça, je peux te le confirmer. Il était un gros calice de feu. Ouais, puis tu le vois ici, là, il est avec une coupe cette année, puis il est bien heureux. Ensuite, dans le fond, les Rangers de New York qui ont sacrifié Ryan Callahan pour aller chercher Martin Saint-Louis. Ouais. Callahan, c'est un gars qui était sûr de pas signer avec les Rangers. Saint-Louis, il restait un an de contrat, puis en plus, ils se sont dit à la finale de la coupe. Puis je me souviens de Steve Yzerman en conférence de presse. I don't know why I did the trade, but Ryan Callahan is a very good player. Donc Steve Yzerman avait l'air d'un esti de cave aujourd'hui. Ah oui, mais t'as peu, malette, là. Ça marchait plus, là, Yzerman, là, puis Saint-Louis, là. Je sais, parce que. C'est depuis l'affaire des Olympiques, puis ça gossait. Puis on a déjà parlé de ça. Ben oui. C'est ça, yeah. Ben, c'était ridicule. L'autre trade, dans le fond, c'est les pauvres Blues de Saint-Louis qui ont été chercher Steve Ott et Ryan Miller, puis ont donné un choix de deuxième ronde en plus de jeunes espoirs. Les Blues de Saint-Louis, en faisant ce move-là, pensaient se rendre loin en playoff, se sont fait sortir en première ronde. Donc, gare aux joueurs de location dans par certains les Kings. Cas. Oui, et puis malheureusement, on va parler de Pierre Gauthier. Ah oh, non! Pierre Gauthier a fourré les Prédateurs de Nashville en échangeant... J'ai eu peur. Non, un par un. Je pensais que tu venais me parler de Régent Tremblay encore. Là. Non. Il a échangé, dans le fond, on en parlait tantôt, mais André Kotsitsyn, quand il l'a donné aux Prédateurs de Nashville, ça donnait un choix de deuxième ronde l'année d'après. Fait que tout le monde se dit, c'est quoi cette affaire-là? Chris, ce choix-là est devenu Jacob Delarose. Fait que chapeau Gauthier là-dessus. Et puis en plus, il a échangé bon mot, Al Gill pour un choix de deuxième ronde, entre autres. Bravo. Bravo. Vraiment, ça a été quoi là, ce choix-là? Ils disent pas, c'est un bon choix. Aussi, dans le fond, choix de deuxième ronde. Ok, mais bravo. Hey, mais... hey, c'est un choix de deuxième ronde. C'est un joueur qui jouera jamais dans la ligue. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est Foucalé. Foucalé, c'est le choix des Flames de Calgary quand on a donné Camilleri. Bon, excusez-moi. Monsieur l'informateur. Non, mais ils disent pas ici. Ça, c'est Brunet qui a écrit l'article en passant. Fait qu'il l'a même pas mentionné. Mathias ou Benoît? Mathias. Oh, le tabarnak. Mange mon pain, Mathias. Matt Molson, qui a été échangé au Wild du Minnesota. Mange le mien aussi. Bref, aussi, dans le fond, je pourrais dire le pay trade que j'ai vu à la date limite des échanges, c'est quand les Prédateurs de... Wow, pas de Washington, mais les Caps de Washington ont donné Philip Forsberg pour Martin Erat à la date limite des transactions. Eux autres se sont fait sortir en première ronde, puis Philip Forsberg est un joueur de premier trio qui va gagner le Calder. Ouais, c'est la meilleure trade. C'est un trade que Washington a fait pour s'armer pour des playoffs, un joueur de location. Ils ont donné Philip Forsberg. Puis le gars n'a plus de job aujourd'hui. Bref, tout ça. Puis Philip Forsberg est en feu. On va être en tronche à Bergevin là-dedans. Là. Parce que dans le fond, Bergevin, dans le fond, pour venir à notre point, premièrement. Ouais, c'est ça. Là, c'est parce de quoi tu parles là, en ce moment? Là. Ouais. C'est ça. Là, Bergevin, là, OK, ça fait. Ça a l'air qu'il fait des téléphones, puis il check ses textos, puis il travaille c'est fort. C'est sûr, là. Il va-tu en faire un, Austin Mood, d'ici le 3? Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rêve. Toi, là, t'es comme ben trop axé sur tabarnak. C'est pour ça que Bergevin, il est DG, puis nous autres, on l'est pas. Hein? Non, mais dans le fond, si je résume un peu les transactions qu'il y a eu depuis le début de la date limite des échanges, il y a eu l'échange de Evander Kane, Zach Bogosian pour Tyler Myers, Paul right. Gostad, Brandon right. Lemieux, un autre jeune que je connais pas, puis un choix de première ronde qui est le dernier choix des Sabres de Buffalo. Ouais. Ça, c'est le premier move. Puis le oui. DG Tim Murray a déclaré « Pour faire un échange, ça prend des couilles. » Il a raison d'un côté, parce que tu prends un risque, tu fais un gamble quand tu fais un trade. Non, sérieux, ça prend-tu des couilles pour faire un trade ou pas? Pour faire un trade, là, ça prend deux personnes pour danser. C'est ça. Ben vraiment, là, mettons, tu prends un risque quand tu fais un trade. Tu sais pas si ça va marcher. Moi, j'en connais un qui avait des couilles, qui faisait des trades, il s'appelle Serge Chavard. Quand il a cherché Pierre Turgeon puis Vladimir Malahov contre Kirk Muller puis Mathieu Schneider, là, il a pas eu peur d'échanger son capitaine qui était Kirk Muller à l'époque. Il a pas eu peur, Esti, puis il a été chercher un Chris de bon joueur de centre. Puis Vladimir c'est qui t'es allé chercher pour ça? Malahov puis Turgeon. Malahov, lui, qui faisait du ski blessé. Là. Je sais, mais pareil, c'était Chris Malahov là, ouais. Dans ce temps-là, dans les années noires du Canadien. Là, c'était un meilleur défenseur. T'es écœurant, man. Il a mal fini en tabarnak. Il a rien collé, c'est Malahov. Bergevin, depuis qu'il est à Montréal, y a-tu fait un trade important? Ben, quand je te parle d'un trade important, c'est des débarrasser de René Bourque et de Mowen. Ouais, mais ça, j'appelle ça des trades administratifs. Oh ouais. Non, t'as peu. C'est des trades administratifs. Ouais, il nous a débarrassé okay. Raphaël Diaz puis il est allé chercher des Louis. Il est allé chercher des Louis pour Diaz, man. C'est ouais. Un calice de vol, ça, là. C'est un calice de vol, mais dans le fond, je te parle, y a-tu fait des trades avec des joueurs d'impact? Ben, des trades avec des joueurs d'impact. C'est un gars de 3-4ème trio, là, mais. Dans le fond, quand tu compares, là, certains DG, ils n'ont pas eu peur. Ils ont été chercher des gars, tu sais, comme Madalis, Tyler Seguin. Ils étaient chercher Jason Spezza. Anaheim était chercher Ryan Kessler. Ouais, mais ils se sont pas échangés des tirs poids calistes contre ces joueurs-là. Tyler Seguin, ça s'est échangé. C'est contre Phil Kessel, là. Ben non! Ben oui. Ben non! Je te parle du trade à Dallas. Il a donné Louis Erickson puis Riley Smith. Louis Erickson, est-ce de la misère à oh, donner? Oh non, excuse. Riley Smith, est-ce c'est un scoreur de 20 buts, 20 passes. Je pensais que tu parlais entre Toronto puis Boston. Non, Tyler Seguin avec Dallas. Puis Ryan Kessler, ça a été dans le fond trois joueurs ordinaires. Oui. Bobby mais t'as peu, malette, est-ce parce que un trade comme Boston a fait avec Tyler Seguin. Oui, ils se sont fait chopper la tête, Boston, avec ça. Mais c'est parce que Tyler Seguin, ça marchait pas à Boston. Puis il avait pas marché pendant les playoffs. Puis Boston était en tabarnak. Puis Cam Neely, ça, c'est du monde, là. C'est des têtes brûlées. C'est du monde qui ont la mèche courte. Puis en fait, ouais, mon esti. Puis t'es sur le party. Puis il est arrivé sa brosse pendant les playoffs. Savais-tu celle-là? Ouais, je savais. Bon, Tyler Seguin, il est arrivé sa brosse pendant les playoffs. Curfew, tout ça, là. C'est comme fuck off, esti. Puis il a fait, ah ouais, mon tabarnak. Correct. Ouais, toi, tu moves. Moi, je me mets du bord quand de tu bouges un gars, tu sais, nous autres, on a bougé Patrick Roy dans le temps avec Réjean Houle. Il s'est fait fourrer. Ben, il s'est fait fourrer, mais quand tu bouges un gars en difficulté, qui est plus bien, puis ça marche plus, puis la relation est pas bonne, c'est jamais un bon trade, souvent. Souvent, c'est pas un bon trade. Tu un bon trade à pour perte. Ton... C'est ça, mais dans le fond, moi, je me mets à la place de l'autre gars. Pas Cam Neely, parce que je sais que Cam Neely, c'est un esti sans dessin. Mais si tu te mets à la place de Dallas, là. Dave, je sais pas c'est quoi son nom, là, mais le DG de Dallas. Dave Tallon. Pour aller chercher un gars comme Séguin, là, hey, il fallait qu'il y ait des couilles en tabarnak pour prendre un risque de main. Là. Imagine si ça aurait été nous autres qui auraient fait le move. On aurait tous dit des commentaires. Oh, c'est un esti. Oh, ouais, non, je comprends ce que tu veux dire sur ce point-là. Parce que Séguin, il avait rien prouvé encore. Ben, sacrément, il est devenu un des meilleurs joueurs de la ligue au centre. Puis il a 22 ans, il a 60 points quasiment. C'est ça. Puis après ça, tu as eu le move de Ryan Kesler. Chris, je dis pas qu'on aurait dû aller chercher Ryan Kesler, mais en même, ils n'ont pas eu peur de payer le prix pour chercher Ryan Kesler. Puis Donnie, que dalle, Chris. Nick Bonino, là, tabarnak, à part d'être une marque de sauce à spaghetti, là, il fait pas grand-chose, là, ouais, mais toi, là, toi, t'es déjà ici, t'en mettons, là, à Montréal, OK? Ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Montréal, OK, gars. Ah ouais, gars. Attends, okay, je prends une gorgée. Ça, t'as vu. Pendant ce temps-là, on a Dave dans le chat qui dit « GF, en passant, il n'y a pas beaucoup de DG en aussi peu de temps qui ont fait des trades d'impact. » OK, mais t'as peu. J'amène en affaire. T'es un DG, toi et Mallette. Mallette, demain, avec ton doigt, là, OK, là? OK, T'es DG de CH, là. T'es DG des Canadiens, OK? T'es DG des Canadiens, man, OK? T'as ton cell phone. Ah, j'ai pas une photo aussi. T'as ton doigt. Ah, OK, voilà. Asti, t'as tout ton attirail, man. T'es prête, Asti. Mallette, il est prête, Chris. T'es pogné pour transiger, OK? là, t'as la horde de journalistes qui attendent dehors, là, au pied de ton bureau, là. L'agent de sécurité, tu es obligé de passer comme un taser gun dedans, là, OK? Tu justifies un trade comment? Pis t'arrives avec ton risque, là, toi, là, avec ton esti de bulle, là, dire « Hey, Chris, t'arrives avec ta paire de gosses, là. J'ai fait mon trade, esti, là, je l'ai fait, là. J'étais allé chercher, là, Noël Yakupov, là, OK? Noël Yakupov. J'étais allé chercher, là, pis j'ai donné de la rose, esti, pis j'ai donné Tin Hardy, pis j'ai donné Emeline. Qu'est, Chris? » Non, attention, là, je te dis pas là, de vider ton club pour chercher un gros joueur. Je t'ai juste dit d'être intelligent dans ce que tu fais puis de pas avoir peur de le faire non plus. Mais en même temps... Mais oui, mais l'idée... Ça fait longtemps que je vais pas parler. Bon, vas-y. Fait que je vais parler. Écoute, attends un peu, gars. Mais j'aime mieux un DG qui va pas faire un trade qui sort de l'ordinaire, là, extraordinaire, mais qui fait pas un esti de trade de marde. Puis Bergevin a pas fait de trade de marde. Il a pas pris une mauvaise décision. Il a pas fait quelque chose de spectaculaire. Il a pas pris une mauvaise décision. Par rapport à quoi? Par rapport au trade? Parce que moi, je peux t'adonner des mauvaises décisions qu'il a faites. Il a pas fait de mauvaise transaction. Non, il a peut-être pas fait de mauvaise transaction. Mais il y en a une transaction que je peux te dire ce que ça a donné. OK, la temps qu'il a changé Eric Cole pour Michael Ryder. Ça va, gangster DJ Mart. Gangster Mart. Dans le temps qu'il a changé Eric Cole pour Michael Ryder, puis il a joué de troisième ronde. Ça a été écœurant, tout le monde était content, puis Ryder a connu une très bonne saison. Le problème, ce qui est arrivé, c'est que, dans le fond, on voulait changer le contrat à Eric Cole. Et Bergevin, il est super bon pour faire des échanges. Cole, il faisait de la merde, c'est dû, ça me tentait pas de jouer. Je sais. Mec, il a même fait de trader, man. Je sais, mais regardez où ce que je vais en venir. Il a échangé Eric Cole pour Michael Ryder puis un choix de troisième ronde que je sais pas qu'est-ce que c'est devenu, mais il a comme sauvé l'argent du contrat d'Eric Cole. Il a signé Daniel Brière à Sti l'année d'après, tabarnak. Tu l'aimais ça, pas, toi? Brière! Ouais? Non. Moi, j'étais en tabarnak à question Brière. Ça prend des couilles, Sti, pour prendre Brière. All right, mon malade. Ça prend des couilles pour prendre Brière? Non, ça prend pas des couilles, Sti, ça prend un problème dans la tête. C'est ça. Yes! Après ça, il s'est aperçu que... Unleash the demon. J'ai fait une erreur, moi, là, Brière. C'est pas ce que je pensais. J'ai donné 4 millions pour 2 ans. Ça fait 8. Puis il échange Brière pour Parento, qui reste 2 ans de contrat. Puis en plus, si Parento, il a de la misère à jouer. Quand il se regarde dans le miroir, il vomit. Non, mais il est commotionné, esti! Puis en plus, Parento n'est pas avec pour une autre année! Ouais, mais il répare ses erreurs, mais il est en pire! C'est pas une grosse perte, là. Je veux dire. C'est 4 millions sa masse salariale, puis la masse salariale, elle augmente pas année par année. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Calme-toi, là, OK, là. Parento, là, sérieusement, là, c'est pas si pire quand il joue, OK? C'est pas si pire que ça. C'est mieux que Brière, Calis. C'est mieux que Brière, oui. Bon, mais... ben, Chris, là, déjà, là, c'est une amélioration. Moi, personnellement, j'aurais mieux aimé garder Brière puis le faire jouer 2 minutes par game puis sauver le 4 millions pour signer un joueur d'impact l'année d'après. Parento, il joue pas, il a mal à la tête, puis quand il joue, Terrier le met sa troisième ligne parce que le gars, il a peur d'aller dans les Brière, il était pourri l'année passée, puis ils ont juste voulu s'en débarrasser parce qu'il était pourri. Je sais. Il y avait un teint de Tylenol, Casper. Gars, on s'est changé deux problèmes, OK? OK. Je vais t'en donner d'autres problèmes. D'autres problèmes que Bergevin y a fait. Après ça, Bergevin, il a signé un contrat de 4 ans à Lars Eller. Il a donné un contrat de 4 ans à Yemlin. Les deux, ça fait 7,6 millions que t'es pogné pour 3 ans. Puis là, ça donne, selon tous les insiders, que c'est les deux gars qui tentent d'échanger. Sacrement, pourquoi t'es signé à long terme? Non. Emeline, là, c'est une petite crosse qui essaie de l'échanger. Il l'échange pas. C'est le seul joueur qui fait la job qu'il fait actuellement. C'est ça qu'il trade pas, man. Mais d'après moi, il fait partie des discussions. Puis excuse-moi, là. Regarde, Yemlin, il est passé sa deuxième paire. Il a downgradé sa troisième. Il faut pas que tu la mets, Martin. Yemlin, excuse-moi, là, mais Sacramayan a fait des erreurs là, dans l'année. Là. Il c'est pas le seul à avoir fait des erreurs. Souban, il en a-tu fait à 9,5 millions des erreurs? Je sais, mais Souban, présentement, je trouve que Souban, pour 30 minutes de jeu, Non. Souban, première moitié de saison, il était pas à 30 minutes de jeu. Il était même pas. Il était à 25-26. Il était même pas. Hey, à peine 25, man. Hostie. C'est important. Yemlin, il jouait combien de temps? Mais Emlin, il jouait autant de minutes que Souban quasiment par un. Il est rendu à 10 minutes par game. Il a donc droppé de moitié. Souban, il n'est pas passé de 25 minutes à 12 minutes et demie. Il est passé à 35 minutes par game. Là, bon, Souban, il s'en va là, de même. Tandis que Emlin, s'en va de même. Il fesse pas sur un gars blessé. Là. Bon, on va être obligé de donner des commentaires de Dave. Là. Dave qui dit que JF a de la mèche courte puis on devrait donner du Jameson en ce moment. Là. Je vais peut-être en boire si les Canadiens font un asti de bon deal d'ici le 3 mars. Primeur. Hey, sérieusement là, primeur. Check bien ça. Check. OK. On s'en réserve déjà celle-là. Mais sérieusement là, si Montréal fait pas de move là, je vais être en tabarnak. Si Montréal fait pas de move, OK là. Moi je te dis là pour vrai là. Attention les bières. Oh, c'est moi l'équipement. Attention l'autre bière là-bas. Moi je te dis, man, tu vas avoir des hosties de playoffs pareil, man, là, on s'en calisse là. Dans playoffs là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver si on garde le même club qu'on a là? On va-tu passer à première ronde? On va voir. Mais c'est sûr qu'on la passe. Mallette, man. Carey Price. C'est sûr qu'on la passe. Si on a. C'est quoi le numéro? 31, John Cordick. C'est ça, man. Hostie. Mais c'est même pas de 31, Cordick. Cordick, pas d'être 31. J'ai vu ça sur YouTube l'autre jour. C'était ça sur YouTube. Bref, le sujet, c'est que si Canadien s'en va en playoff avec le club qu'ils ont. Dans les playoffs, la game change complètement. Le club, eux autres, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de surveiller le trio de Pacioretty et Pédernet parce que c'est le seul trio qui marche. Boston, man. Ben non, Boston fera même pas les séries, c'est les Panthers qu'on passe en avant. On n'est pas rendu là. Okay, Boston va pas bien. Boston, ils perdent 4 à 1 avec un S*** des Nets. Ça va pas bien par toutes, là. OK, là. Ça dégénère. Wow. Non, mais tout ça pour dire... je suis désolé parce que là, je me suis laissé emporter par le mal. On va couper son micro, là. Hey, tant que tu parles pas des graines des Portugais. Non, mais c'est... Non, excuse-moi, là, mais c'est parce que... Là, c'est, mettons, le monde qui dit « Ah, ben non, faut pas que Bergevin fait des trades suite, on va attendre encore un an, deux ans, dans trois ans, on va gagner la coupe. » Ça sonne comme un plan quinquennal, ça, calisse! Qu'est-ce qu'on disait du plan quinquennal à gagner? Ça va pas de la calisse de merde! Là, c'est rendu Bergevin fait de la même calisse d'affaires! Ouais, mais quand il en a parlé la première fois de son plan quinquennal, là... Avoue que tu as comme cru un peu. Ben oui, j'y ai cru certain, c'ti. T'es naïf. Mais non, excuse-moi, mais là, on venait de sortir de la marque de Pinot, puis là, on a pogné Gainé. Puis Gainé, pour moi, c'est un gars que je louangeais parce qu'il avait gagné la Coupe avec Montréal. C'est un ancien capitaine du Canadien. Puis finalement, plus ça a passé, plus, esti, il a fait de la merde à cause de je pense de que si sa fille t'es pas morte... Mais non, c'est pas ça le problème, esti, c'est parce que... C'est un suicide. J'espère que Bergevin va bouger, puis d'après moi, le move qu'il devrait faire, parce que les rumeurs de Sharp, puis de toutes ces... ça n'a aucun sens, parce que je pense pas que Chicago va vider son club, surtout qu'il a une chance de gagner la Coupe. Moi, je fais une prédiction et je fais un souhait. Le seul club, parce que ça a l'air qu'il cherche un gars avec un contrat encore en main, un hockey move selon Bob McKenzie. Mais c'est sûr. Le seul joueur... qui est disponible, qui est un allié, excuse-moi, parce que j'ai une bande de roté et qu'il n'y a pas. C'est... Ben, vas-y, rote, au pire. Non, ça sort pas. Aller. Edmonton serait un bon partenaire de danse. Écoute ton corps. Actuelle. Parce que le gars que j'échangerais, ou ce que je pense que ça n'affecterait aucunement le club, puis qu'on ne serait pas genre hanté par cette transaction-là, hashtag McDonough, faut caler Chris Esti. On a Carey Price qui va être bon encore pour les 10 prochaines années. Hey, faut caler. Moi là. J'échangerais faut caler. Il y a une valeur. Tuckersky, man. Il y a une valeur et tout, là, avec les playoffs qu'il a connus l'année prochaine. Excuse-moi, Tuckersky présentement, là, Esti, c'est pas autant qu'il faut caler, là. Avec les playoffs qu'il a connus l'année passée. Avec les playoffs qu'il a connus l'année passée. Mais tous les derniers games que j'ai joué, je veux dire. Non, mais Chris, avec les playoffs qu'il a connus l'année passée, là, cette année, là, les games. Moi, je pense que c'est peut-être mental un peu, Tuckersky, là. Il se pense peut-être au-dessus de ses affaires, là. Il se pense pas au-dessus de ses affaires. Il s'aime pas, il est où, Chris? Il est perdu, comme dirait Terrien. Bon, moi, je veux dire un truc, là. Moi, je l'aime. Je vous suis plus pantoute. J'ai aucune idée de quoi vous parlez en ce moment, là. Ça vous êtes passé du coq à l'âne, là. C'est tout ça pour dire que je souhaite que Terrien bouge avec Edmonton. Okay. OK, tantôt, on jasait tantôt avec Edmonton. Il y a une affaire que je serais game. OK, vraiment, là. S'il y avait un move qui se faisait, ça serait vraiment pour... On parlait de Yakupov tantôt. Je serais game d'accueillir Yakupov dans le Canadien. Même plus que Evander Kane, parce que Yakupov, sérieusement... Il coûte pas cher. C'est un... Ben, ouais, mais il va venir qu'il coûte cher. Ouais, mais s'il est bon, il va coûter cher. Mais là, pour le moment, il coûte bon. Pas cher. Il est bon, man. Il est bon, mais... je regardais ses buts à ce gars-là. Ouais, mais comme dirait Théo, il n'y a pas les statistiques pour prouver qu'il est bon. Non. C'est pas que des stats que tu sais que Yakupov, il est bon. C'est que quand tu le vois couper au net, là... Puis qui te rentre une porte, mon gars, là, top corner, là, dans un espace gros de même, là, dans un espace restreint de même. D'accord avec toi. Chris, man, il est capable de la rentrer n'importe quelle façon, Yakupov. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je prendrais le risque de faire un move pour améliorer le club. Puis plus qu'Evander Kane, je te dis, plus qu'Evander Kane, il est plus en finesse que Kane, ce gars-là. Lui puis Gatchenok, là, ensemble, sur le même trio, ça serait écœurant. Puis je serais très fier de donner ton 20$, parce que Plekanec va faire 60 points si les deux sont sur la même ligne. Il va en faire 100, tabarnak. Il va en faire 100, puis Yakupov, faire 100. Mais je te donne 20$, moi, tout. C'est ça. Moi, je prendrais le risque avec Edmonton. Bon. J'irais chercher. Moi, je t'amène au danseur. On a de quoi, là? On a de quoi? Oui, vas-y. Ben, on a de quoi? Moi, si j'ai 20$ de toi, 20$ de boisson, 20$ de danseuse, Chris Bergevin. Hey, c'est quoi? Ben, va chercher. Man, tu as 20$ de poids. Mais non, mais là, je vais revenir. Il y en a un gars qui est disponible. Puis, pendant que je mangeais mon Whopper, là, j'ai remarqué que dans NHL Number, Tempa. Tout est bien fan des. Jim, une excellente alimentation. TFK, les Whoppers, BK. Et du Jameson. Ça rentre bien dans tout sortir, ça. Mais c'est un suicide, ça. Tempa Bay, là, ils ont de l'argent. Sa masse salariale est disponible à l'heure actuelle. Je sais que c'est un suicide. Non, faut pas que ça vienne dire. Non, mais Tempa Bay ont de l'argent à l'heure actuelle. Puis Tempa Bay va bouger. Ça, c'est sûr qu'ils vont bouger de sa fin de la saison. Puis une autre équipe que je trouverais, c'est les New York Islanders. Ces gars-là, ils ont comme 8 millions disponibles. Fait que c'est sûr et certain qu'ils... Mais qui mangent la calisse de merde, ça. Oui, mais c'est malheureux, mais ils vont sûrement aller chercher des gros joueurs. Mais mange la merde, si regarde, il n'y a aucune puissance dans l'Est. Fait que je pense que c'est le temps pour lui de faire un move. Puis moi, j'appellerais McTavish. Je lui dirais, mon esti, toi, comment qu'il goûte à Berlin? Toi, mon esti. Réponds-moi, arrête de filtrer tes messages, calisse. Mais c'est ça, moi, quand je rencontre un client, là, puis il négocie avec moi pour un char, puis qu'il demande. Enlève-moi 10 000 puis je vais signer. J'ai dit pas qu'il est cave. J'ai dit, ben voyons donc. Se négocie, ça. Appelle-les, McTavish, je dis. Allô? McTavish? T'avais pris le temps à répondre, maudit cornet. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, t'as une tape sur la gueule? Non, mais c'est ça. Dans le fond, moi, là, je ferais le tout pour chercher un gars comme Eberle. Parce que Edmonton, eux autres, ils visent McDonough. Puis c'est le seul ailier qui est disponible à l'heure actuelle qu'on pourra avoir à Montréal. Qui aurait du sens. Eberle ou Yakupov, tu parles, excuse. Eberle, mais Yakupov, ça serait. Dans le fond, fuck off. C'est Eberle, Yakupov et Petra à Montréal. Bon, ben. Ça fait le tour de l'épisode 9, tout ça. On va terminer avec des quotes. Des quotes de M. Dave là, qui est dans la chat room qui dit premièrement, bon, Mallette, je te call out. Fait que Dave, te call out GF de chez eux. Il est pas là. Il dit aussi que Mart a comme une coupe de cheveux de Jésus splittée dans le milieu. C'est nice, mon Jésus, man. Puis, tantôt, on parlait de quelqu'un qui s'est coupé un pouce, là. Dave, il dit que le partner du père à Mart a perdu ses doigts dans une souffleuse. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est on termine ça sur une note légère comme ça. Ouais, ouais, je name dropperai pas, mais. oui, c'est vrai, quelqu'un qui a voulu dégager sa. Genre le canon de la souffleuse de la neige s'est pacté dedans, puis il s'est rentré à la main, puis boum, style les doigts. On pourrait quasiment suspecter un Suisse. Et... D'après moi, ça c'est comme un hashtag suicide. Hashtag suicide. Alors, sur le hashtag suicide, ça mais fait... c'est du suicide! Ça, c'est si un mauvais trade là, qui arrive, là, on va faire « Ben non, Chris, c'est pas ça, mais ça, c'est un suicide. » C'est un suicide. Alors, ben, ça fait le tour de l'épisode 9 de la soirée du podcast. Jeff, je voudrais dire que malgré toutes les remous oui. ce soir... Je savais que ça allait brasser à soir. Vraiment, je trouve que t'as bien animé ça. J'ai fait un excellent job malgré tous les bugs techniques. Ouais, puis je pense que ça a été dans le plaisir pour tout le monde. Je pense que effectivement, c'est un plaisir partagé. C'était un suicide. Ouais, je suis sourd. Fait que c'était l'épisode 9 de la soirée du podcast. Cheers, on se revoit dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde. All right. Oups. Hey, j'ai tellement pas mis le bon thème de finition. C'était cave, moi je tirais là-dessus. Lui, là. Imprime, t'as une bonne job. Là, je mets même pas le bon, c'est moi qui ai le studio. C'est un suicide professionnel, ça. Fait que je viens de me tirer une balle dans le pied. Fait que, ben. T'as fait le tour de l'épisode 9. On se revoit dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde.